100% rap français. 100% explicit lyrics. La nocturne. Et c'est parti pour la nocturne 100% rap français. Tonton est là, Rimka est là. Oui, frère. Ça fait plaisir de te retrouver. Moi aussi, avec plaisir. Grand, grand plaisir d'être dans la nocturne. Bah oui, tu vas prendre le contrôle pendant une petite heure maintenant. Coup d'envoi de cette nocturne. Comment ça va, Rimka? Alors, quelles sont les nouvelles depuis, depuis tout ce temps? Bah là, on est sur l'album. Je termine l'album tranquillement. Et bon, bah voilà. Comme les gens, ils ont pu voir, j'ai envoyé beaucoup de hors-série. Pour patienter, faire patienter mon public qui attend l'album impatiemment. Et donc voilà, on est venu faire un tour à la nocturne, une émission classique du rap français. Et bah ça fait grand plaisir de t'avoir ici sur Skyrock dans la nocturne. En effet, c'est vrai que l'EP est dispo hein, de Rimka. Ouais, ouais, ouais. Toujours. Ah, bah dis donc, quelle entrée, quelle entrée. AP est toujours là aussi. AP est là aussi dans le coin. On saluera Mokobe aussi qui doit pas être très très très loin. Ouais, d'ailleurs, c'est ça aussi que. C'est pour ça aussi qu'on est venu. C'est pour faire découvrir tous les derniers sons qu'on a pu faire cette année. Et pas que les miens aussi, ceux des poteaux, dont la dernière tuerie de Mokobe. Parce aussi. Que malgré tout ce qu'on peut entendre, le 113 existe toujours. Le 113, c'est pas fini. Bien sûr, mais bien l'aventure sûr. Est loin d'être finie. Jamais. Nous, on a eu la chance de se connaître avant de faire de la musique. On est des frères de la rue, des frères du quartier. On s'est connus comme ça, on a grandi comme ça. Et la musique, on l'a vécu ensemble. Ce qui fait que elle a pas perturbé nos relations. Et ce sera une aventure qui va durer encore longtemps, j'espère. Et puis chacun besoin aussi de s'aérer un petit peu de temps en temps. Bien sûr, donc c'est important. Passer chacun de son côté. C'est important parce qu'on n'a pas tous les mêmes envies. Et centrer, c'est le regroupement de nos pensées à tous les trois. Tu vois. Et là, en attendant, il y a l'EP donc qui sort de Rimka, le hors-série à pas louper. On va revenir d'ailleurs sur ces hors-séries. On va débuter avec un morceau. C'était quoi le premier que t'avais balancé avec AP justement, le Demain j'arrête pas? Ouais, c'est le premier truc que j'avais balancé pour mettre un peu le feu. Et d'ailleurs, il a eu une longue vie. Je suis super content de ce morceau. Quand on le joue en concert, on dirait que c'est un hit et ça fait super plaisir. Ça va AP? Tranquille ou quoi, frère? Ouais, ça fait plaisir aussi de te retrouver. Si, chacal, on est là, t'inquiète. Eh ben, c'est parti, il y a la nocturne de Rimka, AP est dans le coin. Je crois que ça va être du bon. Vous êtes prêts? Sale. Nous aussi, ça tombe bien. Planète rap. 100% rap français. On a décidé d'arrêter de fumer. Je te plante le décor. Pas. C'est comme si tu demandais à Riffy d'arrêter de secouer la plante. J'arrête pas. Big fumé. J'arrête pas. Big fumé. J'arrête pas. Big fumé, j'arrête pas. Brendes, j'arrête pas. Vitrine d'art, j'arrête pas. J'bois la grégouze comme du shampoing. La dope, moi j'laisse ça Johnny. Pour mon V12, mon anatomie. Demain j'arrête, putain j'ai promis. Jette mes feuilles pour la première fois. Pas qui va être touché de la première frappe. Première nuit, je ne fais que des cauchemars. Deuxième nuit, j'transpire comme un gros lard. Troisième nuit, j'dis quoi, j'fais quoi. J'arrête pas, moi c'est Weed Life 9-4. Quatrième nuit, j'fais le forcing. Demain j'm'allume une double turbine. Jamais en confiance aux douanes. J'rappe pas, j'ai mis les rébans. Demain j'arrête pas, la weed fraîche, j'en suis de la Havana. Demain j'arrête, non, j'arrête pas. J'essaie, j'arrive pas. Vitrine, meudage, j'agresse la boîte de vitesse. J'm'arrête pas, Bellec à la fouille rectale. Big fumée, AP, Rimka. Ça rime pas, mais j'me roule un gros joint. Demain j'arrête pas. Nuit blanche sur nuit blanche, j'y arrive pas. Les mains moites, impossible de dormir sans. Ils sont dans la blanche, nous la peufra. J'fais les 400 pas, j'y arrive pas. J'tourne en rond, smoke tourne en rond. Smoke point craqué de péter les plombs. Pourtant je me suis dit cette fois-ci c'est la bonne. Mais là je fumerai bien bon gros joint comme gros ouinge à la peau Marley. Boom bye bye, je viens le bombarder. Pousse-moi juste un demi-kill. Je dors sur un oreiller rempli de weed. Ma petite lampe, si, ma petite chacal, banque, aïe, petit la boule, blanc, t'inquiète. Ma petite planque. Big défonce, big fumée noire. Je compte même plus mes trous de mémoire. Demain j'arrête, non, j'arrête pas. J'essaie, j'arrive pas. Vitrine, dage, agresse la boîte, boîte de l'hôtel. L'hôtel spécial Rimka. Belle et carré. Ouais, la famille. Rétale. Big fumée, AP, Rimka. Ça rime pas, mais je veux un gros joint. Demain j'arrête pas. Big fumée, si big. Big fumée, big. Brendes, big. Weed life. Aïe. Big fumée. Poto, j'ai craqué. Non. Ouais, j'ai refumé, hein. T'as craqué? Ouais, je reviens de Meda à l'instant. Mais non. Baba Coffee Shop. Je me roule un spécial. Pour les connaisseurs. Tu veux l'allumer? Vas-y, direct. Vas-y, tiens. C'est quoi ça? C'est de la cheesy goût, le pays du fromage. Ma première fille, j'appellerai marijuana. Je bloque ma conce quand j'arrive, souris pas. J'arrête pas, j'arrive pas, j'arrive pas. Je le jure, j'ai qu'un joint sur moi, monsieur l'agent. Sans compter 12 dans mes Jordan. Le problème, c'est que je fume encore plus qu'avant. Ils me donnent de la weed, tous mes fans. Je suis tombé dedans, comme Obélix. Mes banlieues arfouillent tout bélisse. Je suis en dosé comme le verre de trop. Pourquoi me proposer, j'ai tout ce qu'il me faut. Tout le monde sera U19. Allez, on part, on y va. C'est un petit joueur, Wiz Khalifa. Envoie les masses, muchas gracias. Je vais rouler un gros comme un faritas. Demain j'arrête pas, yeah. J'arrête pas. Ok, j'essaie, j'arrive pas. Vitrine, menage, agresse. La boîte de vitesse. J'arrête pas, belle écart. Rimka, au contrôle de la nature. Fred aux manettes, mais je me roule un peu en appui. Demain j'arrête pas. Big fumé, big. Big fumé, big. Brandes, big. Weed life, oui. Weed life. 100% rap français. Planète Rap. La nocturne. Ça tousse. Dernière boucherie sortie de l'usine. Roule dans la ville en Porsche. Rimka. La nocturne. Roule dans la ville en Porsche. Armé comme des mafieux corse. J'ai la gueule abîmée, grimée. J'ai ma peuple opprimée. Je les baise. Je suis un ancien démuni. J'ai le même fusil à pompe que les clubs des États-Unis. Je les baise. À mes brains, mannequin anglais. Elle me montre la tête. Écarte les cuisses, je venu jamais. Elle me demande combien je m'appelle. Je les baise. Je suis avec mes colonels. On soigne nos blessures avec la vodka polonaise. Me parle pas de clash dans la rue, ça c'est pas, j'ai rien à voir avec ces hameuses. Un nouveau coupe espoir, un faux passeport. Une fois un hors bord, avec quatre moteurs. Pour le transport, j'ai pas de compte en banque, j'ai que des comptes offshore. Je viens de loin comme un roumain. Rick, je viens de la Houma entre les mains. Rick, un mot peur construit à Berlin. Rick, fusil mitrailleur comme au Kremlin. Rick, je suis seul comme un félin. Rick, je travaille seul comme Tony Musulin. Rick, ils mourront pas comme Ivan Colonna. Hey, on roule dans la ville en Porsche. On roule dans la ville en Porsche. On roule dans la ville en Porsche. Armé comme des mafieux corses. On roule dans la ville en Porsche. On roule dans la ville en Porsche. On roule dans la ville en Porsche. Armé comme des mafieux corses. Foutu, foutu. Pareil qu'on est foutu. Foutu, Rimka. Foutu. Croyez qu'on est foutu. On dirait que la nocturne. Foutu. Croyez qu'on est foutu. Foutu. Reviens rap français. Foutu. On arrive ça. 113 mon numéro d'écrou. Hey, je me torche avec un numéro. C'est à ce moment-là où je viens avec les deux canines. On voit le temps que c'est cool. Pas besoin de sécu, juste besoin de pécule. Je les pèse. On continue pas du Jack Mills. Fils de pute, mais dégage ton dans la gamelle. Je les pèse. Tu me voyais déjà en ML. Tu reçois ta notif. Refus de DML. Du pauvre, c'est le cauchemar du riche. Moi je viens d'un bled où y'a pas de touristes. Des ailleurs. Pas besoin de nouesse. De mon dentaire, j'ai besoin d'un fleuriste. Il faut l'accord parental corrompu comme mon avocat. Hey. Je m'aime ou pas, ils m'auront pas, je vote pas. Je pèse lourd, viens, je te paye en shit bancaire. Viens. Les stupéfiants sont sous le lit. Hey. Sous la couette, y'a son drapeau au lit. Hey. Sous le coussin, le neuf, Billy. Hey. Hey. Oh, j'ai une transac à midi. Hey. Au bout de ma life, comme un alcoolique. Hey. J'ai fumé l'hydroponique. Hey. Rimkov. Hey, je l'ai niqué, mec. C'est qui je l'ai niqué. On roule dans la ville en Porsche. On roule dans la ville en Porsche. On roule dans la ville en Porsche. La bombe du frérot, il arrive l'eau. Mafieux corse. On roule dans la ville en Porsche. On roule dans la ville en Porsche. On roule dans la ville en Porsche. Armé comme des mafieux corse. Foutu, foutu. Croyez qu'on est foutu. Foutu, foutu. Croyez qu'on est foutu. Foutu, foutu, pareil qu'on est foutu. Foutu, foutu, pareil qu'on est foutu. Regardez chez Bat. Pareil qu'on est foutu. Halloween. Pareil qu'on est foutu. Spécial Rimka. Nocturne. Fumant. Les locaux sont enfumés. Fred aux manettes. AP, toujours là, en appui. Hec. Hec. Hec. 100%. rap français 100% explicite lyrics. La nocturne. Yeah yeah yeah. DZ Power. Petit tour vers le bled. Rapide. Pour mes aînés, c'est ça, j'ai rêvé. Pour mes tonsiers. Yallah! Eh ouais, mec, c'est un mec. Aïe aïe aïe. Rachid System. Direction bled. DZ Power. On y va. Enfant du soleil au fond de la plaque. Tu veux savoir c'est quoi le Rachid System? Quand on a une solution à tous les problèmes. Quand on se fait une ceinture avec une ficelle. La débrouille, c'est ça, Rachid System. Savoir c'est quoi le Rachid System. Quand on met une solution à tous les problèmes. Quand on se fait une ceinture avec une ficelle. Chauffe une boîte de conserve. Je fais du Del Boca sur un bidon en fer. Au fin fond du bled se trouve tous mes repères. Chez nous rien ne se perd, tout se récupère. J'essaye un soldier, tu sais bien je crains pas la foudre. On retourne un caddie, on fait griller. Prépare-moi une soupe, j'ai une soupe classique. C'est le système Rachid. Au fond du soleil, au fond de la yeah, yeah. Tu veux savoir c'est quoi le Rachid. Tous les frérots Hubs, quand on a une tu prépares la chauffe. Comme dans Top Chef. Yeah, yeah. Ouais, c'est ça, tu veux savoir c'est quoi le Rachid System. Quand on a une solution à tous les problèmes. Quand on se fait une ceinture avec une ficelle. La un artiste peintre. J'ai grandi avec 3 sous, j'aime les choses simples. Pour capter les chaînes du bled, il me faut un cintre. Pour me faire une antenne, Rachid System. Rimter avec les gens que j'aime. Toujours fait en sorte de voler de mes propres ailes. Quand tout est perdu, dans tous les problèmes, Rachid System, il était une fois dans l'ouest. Un petit débrouillard. Je ne fais que mon devoir. Je ne suis qu'un débrouillard. Je vais te raconter mon histoire. Enfant du soleil, enfant de la paix. Tu veux savoir c'est quoi le Rachid System. Quand on tous les débrouillards, tous les problèmes. Jusqu'au fin fond de la province. Avec une ficelle, la débrouille c'est ça le Rachid System. Tu la fais, on connaît Rachid System. Quand on a une solution à tous les problèmes. Un cousin. On se fait une ceinture avec une ficelle. Envoyez-moi vos photos de Rachid System sur mon Facebook. Rimka officiel. Envoyez la sauce. Le Zahouania. Rachid System, mon pote. DZ Power. Toute la famille jusqu'à Béjaïa. M'tirahim. J'tah. Rachid System. J'suis qu'un débrouillard, j'ai pas trop mon histoire. J't'ai Rachid System, on fait ouais, sécher les feux sur le star. Pejaya, aïe aïe aïe, M.O.B. M.O.B.S. Yeah, Barbacha, Jésus. La nocturne avec Rimka au contrôle. Yeah. AP qui est là, qui est dans le coin aussi. Toujours en train de tweeter, en train de faire des Snapchats. Ah ouais, mais là, on voit ça sur les réseaux. Hein. T'es partout, AP. Je te suis, tu es partout. Mais moi, je te suis. Mais Rimka aussi, à un moment, il y a un moment, une période de creux. Ouais, petite période de creux. Une période de creux virtuelle. C'est ça, ouais. J'étais beaucoup en studio et bon, voilà, on peut pas tout faire en même temps, mais. Mais les affaires reprennent vite. Voilà, donc maintenant, surtout, on est des gens près de notre public, tu vois. On n'est pas des gens. Il n'y a pas d'écart, donc ils peuvent venir nous parler sur nos réseaux. Twitter, Facebook, y a pas de souci. Voilà, on a écouté des morceaux, donc extraits du hors-série. Alors j'ai dit une connerie, c'est pas sorti le hors-série, puisqu'on peut, on peut retrouver par contre sur ta chaîne YouTube les différents morceaux. Voilà, on peut retrouver les différents morceaux, et bon, les hors-série c'est pas fini, c'est vraiment en attendant l'album, et il y aura sûrement, on va sûrement les regrouper à un moment ou un autre, donc faut rester branché, les news elles arrivent très très très très vite. D'accord, et puis en attendant, on peut se mettre aussi, parce qu'il y a les clips aussi qui vont avec, hein, pour la plupart. Toujours, chaque fois que je fais un hors-série, il y a un clip qui va avec, c'est le concept des hors-série, c'est pas seulement, c'est pas des freestyles, c'est des vrais titres, c'est des vrais morceaux que je donne à mon public, parce que voilà, l'album, le dernier album que j'ai fait date de 2012, et voilà, les gens, ils ont besoin d'écouter du MK, donc bon, en même temps, cette année, ils ont été servis. Il y a eu un des gros cartons avec Kaina Samet, avec l'artiste aussi, hein. On t'a beaucoup entendu sur ce morceau. Ouais, vraiment. Déconnecté. Ouais, exactement. C'est l'un des gros tubes de l'été, ouais. Voire l'un des plus gros, ouais, urbains. Donc moi, je suis fier d'avoir participé aussi à ce projet-là avec DJ Hamida. Ouais. Ça faisait longtemps qu'on devait se faire un truc et c'était la bonne occasion, donc voilà. Et bah le Déconnecté, voilà, qui a fait un gros carton, qui a fait plaisir à tout le monde cet été, de vous retrouver tous les trois là sur ce morceau, yeah. De découvrir un peu l'artiste aussi, et puis la voix de Kaina Samet. Exactement, big up à eux, Kaina, l'artiste, DJ Hamida, Bonjinor, mon pote Taïk, mon pote Rabat. T'as écouté d'ailleurs beaucoup de trucs, toi, Rimka, ces derniers temps. En français, il y a eu beaucoup de sorties. Je pense notamment, il y a La Crime qui est sortie au mois de septembre. J'écoute beaucoup, j'écoute tout ce qui se fait, parce que ça arrive aussi à nos oreilles, parce que nous, on est encore dans le quartier, hein. Il y a nos familles, il y a les amis, il y a les petits frères, il y a les cousins. Donc, on est toujours, on passe au quartier et souvent, il y a des sons qui tournent. Donc, on écoute ce qui se passe. Et, je trouve que le rap, il se porte bien, il évolue dans le bon sens, il y en a pour tout le monde. Et c'est le principal, je pense que tant qu'il y a des résultats commerciaux, le rap, il existera toujours. Et qu'il y ait des gros albums, des mecs comme La Crime qui réussit à faire des disques d'or rapidement, c'est bien pour tout le monde. Et ça fait plaisir, parce que c'est aussi un petit rêve. Rimka avec nous ce soir dans la nocturne. On repart sur le hors-série avec les clips de dispo. C'est sur ta chaîne YouTube, hein. Yeah, Rimka officiel. Rimka officiel. Voilà. Un petit coup, si on allait se balader du côté de Vitrio de Janeiro. Yeah, du côté de la ville des favelas. Là, il y a tous les espoirs. Tous les princes de la ville. Aïe. La nocturne, Rimka. Yeah! On n'a pas peur de tomber. Vitry sur scène. Boum, boum, c'est le bruit des machines. Gring, gring. On aime l'argent facile. On est les rois des souterrains. Les princes de la ville. Vitry de Janeiro. Des aides étoilées comme au Brésil. Même dans une vieille carcasse. On pousse les régimes en tongo de pigeon. Tout jeune, on ferme les livres pour jouer du calibre. Tout ce que je sais calculer. C'est une putain de TVA. Tous des criminels potentiels. Parce qu'on vient de la favela. Chien la casse. On transpire le crime comme à Caracas. On voyage dans les montagnes du Rif. On frappe sur la tamis comme sur des maracas. Pour faire sortir la chiche. J'ai la whip fraîche qui te dessèche. Ici aucun signe extérieur de richesse. Je suis en meute comme un loup. J'ai loupé l'école du premier coup. Je voulais des sous. Trop vider les bombes par les égouts. Habitant en banlieue parisienne, comme au Nigeria, je tous mes vitrios, je suis un 9-4, et je vole de mer, on est ensemble. Eh oh, eh oh, eh oh, Belek Ali Koundé, AP, ici Jacob, aïe aïe aïe, on n'a pas peur de tomber, pas trop loin, dans le dos, c'est le bruit des machines, gring gring, on aime l'argent facile. Dis-leur, le rap français me fait chier comme les vieux, j'écoutais RMC, oh god, beaucoup de respect pour nos mères, donc. On respecte les femmes, ouais, ouais, yeah. Plus on avance, plus ils ont mal, yeah. Faut le salir à mon image, yeah. Je les encore plus fort. Je conseille de l'image. Je gère l'industrie comme une épicerie. On paraît gentil, mais cacher la gentrie. Déroule de haut pour ma putain de mélodie. Que j'efface mon passé maudit. Je suis tout seul, j'ai aucun lobby. La bagagerie est dans l'audi. Algeria, la Gomorra, grosse moustache, grosse que chaque. 15 ans que je suis là, à Videra. Pas de gros terre, ma foi, derrière ma caméra. Eh oh, eh oh, Belek Ali Koundé, Vitrio de Janeiro. Ok, on n'a pas peur de tomber. C'est le bruit de machine. Gling, gling, on aime l'argent facile. Eh oh, eh oh, yeah. Belek Ali Koundé, Belek, Belek, Vitrio de Janeiro. Vitrio, Vitrio, on n'a pas peur de tomber. 18 ans de rap, mon ami. T'étais où il y a 18 ans? C'est le bruit de machine. T'étais où? En train de chier dans ta culotte. On aime l'argent facile. Marcus. Aïe. Si, si, chacun. Trésor. Capuché, capuché. Louville. Capuché, capuché. Capuché, capuché. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Et celui-là. Hors série. Hors série. Will Star. Hors série. Will Star. Hors série. Hors série. Hors série. Hors série. Trop street. Trop vrai. Hors série. Qu'est-ce que tu vas faire, mec? Hors série. Rien. Hors série. Rien. L'ange de la mort est toujours à l'heure. Chacun cherche un coupable à son malheur. Comme un daron coincé à la buvette. On âme ne fait qu'un gramme sur la pesette. Écoute bien. En bas du meuble, regarde le ciel. Pas un rond dans le survêt. Un petit peur, un petit plaque. Toute la misère du monde assis sur un compète. Ramos n'est jamais dans le box. Non. J'ai jamais sommeil, je suis comme New York. Jamais. Ceux qui ne parlent pas, c'est que les morts. Comme chez les Rital ou chez les Corses. Toto Aina. Toto Aina. J'aurais pu pipi la MDMA. On a tellement rendu ouf les remparts qu'on aurait mérité l'orphelinat. Avec du recul, on aurait évité de servir le mal. On aurait étudié, si on le sait tous, qu'on aurait pas fait l'ENA. Avec du recul, quand tu rembobines ta vie, ce qu'on regrette, c'est de pas avoir passé plus de temps. La nocturne, Rimka, yeah. Je regarde le ciel qui s'assombrit. La mort se vit seule, la vie nous fait souffrir. J'ai du mal à maîtriser mes colères. Devant le tout puissant, on paiera nos erreurs. Rimka, je regarde le ciel qui s'assombrit. Ce vaisselle l'avait nous fait souffrir. En série, en série, en série. J'ai du mal à maîtriser mes colères. Si, si, chacal, si, si, chacal. Devant le tout puissant, on paiera nos erreurs. Trop loin, trop street, trop vrai, trop profond. Derrière MK pour les indélicats. Avec une calage, je fais de l'harmonica. Liberta. Comme le JPN, on te soulève sous la couverta. Avec nous-mêmes, on est vrai. La boule. Je me suis noyé. Tous les chacals qui tournent, t'inquiète. Les violences, tu sens ça. On est vrai. T'as vu qu'il est là. J'ai le mode de vie d'un animal. Pourtant, je veux être un homme. Si, si, chacal. Je pensais être l'homme du match. Mais ils m'ont élu l'homme du match. L'instant l'a fait là. On prend du recul pour mieux tout arracher sur notre élan. On a pris du grain, on a pris de la thune. Le blé de la familiale est conçu. La rancune, l'amertume, de quoi se faire cache-tonner. En psychiatrie, finir en légumes. On change pas son destin. On est des soldats d'infortune. Dis la tête ailleurs, je suis mauvaise humeur. Je suis au coin fumeur, je prends du recul. Je n'ai pas le moral à faire la fête. Je gagne durement ce qu'il y a dans mon assiette. Le paradis des voyous n'existe pas. C'est comme le braquage du siècle. Moi je n'étais qu'un voleur avec des talents de prestigitateur. 9-4. Dans le fond on est tous prédateurs. Vitry. Sous les yeux du créateur. Rimka. Je regarde le ciel qui s'assombrit. La mort se vit seule, la vie nous fait souffrir. J'ai du mal à maîtriser mes colères. Devant le tout puissant, on paiera nos erreurs. Ouais le Saint, Jano. Je regarde le ciel qui s'assombrit. La mort se vit seule, la vie nous fait souffrir. J'ai du mal à maîtriser mes colères. Loïc, Paris, puissant père à nos erreurs. Nono, T-Bac, hein? Tous mes petits Camigroud, comment il va le Hall 13? Habib, aïe, comment il va le Hall 13? Ryan, 100% Carlos, rap français, 100% explicite lyrics, la nocturne. Oh oh oh, série. Hors série. De Miami. Hors série. Boum. On ira à Boum. Celui-là tu connais. Rimkoff. Marcus à la prod. Si si Timal. Sortez les monstres. Trésor. J'ai appris à mon épouse à servir d'un calibre 12 en contrepartie. Je lui ai promis de ne plus rentrer à Ebo. Pour me refaire, je garde 9 euros. Pour un collant ou pour une cagoule. À 7000 le litre, on j'fume la Candy Kush. Dans le V12, baisse le siège de la turbo. J'suis allongé comme sur un transat. Oh, pas ta tête, cousin, c'est dur à payer. Même billet qu'on convoite, qu'on veut tous. Un bout de ferraille sur quatre roues qui vaut le prix d'une maison. Les frérots m'appellent plus de prison, on leur a brouillé le réseau. Trop dur pour un dollar de se réhabiliter. J'ai tout fait pour éviter les quatre murs, question rentabilité. RIMK, la vie d'Aloca. Je veux me faire soigner dans l'hôpital, que pour tes flics. On enseignait à l'école du crime. Le plus petit de ma team, tu baiserais la fille à Poutine. 1000 centimètres cubes, on meurt jeune, on monétise. Je serai jamais un homme au foyer, je sais même pas réparer une prise. Adjoumer à bitch, je roule comme Felipe Massa. On en a rien j'arrive à foutre, on voit la weed, on voit les Massa. Aïe aïe aïe, 2-7. J'ai rendez-vous pour un massage, les mains sales. Prochaine étape, alimenter Gaza. Tu te fais avancer de la dos, tu la coupes, tu la vends. Et quand les keufs, à tous mes lyonnais, là tu pètes un boulard. Obligé de faire du sale. Je m'en pars du fonds monétaire international. FMI, je suis de nature fonceur, ça se voit sur le putain de compteur. J'ai baisé tous les flashs de Paris, maintenant j'ai besoin d'un chauffeur. Allez voir le clip à 50 000 dollars. Ici, si, Chacal, Strasbourg, Maïsa. Qui tu suis, ce que fait l'État. Il ne fait rien, on pèse les rêves européens. Puisque dans les cités fossiles, on veut tous un gros terrain. Tapis Dubaï, Barcelone, Madrid, Marseille, dans une fucking villa avec une meule. Calma, calma, les petits frères se lancent dans le commerce de cocaïne. Mamma mia, on les pèse, on est nia. Situation de crise qui nous pousse à être capitaliste. On veut du taf, donc on a mis du sang partout. On a mouillé la chemise. Adjoumer à bitch, je roule comme Felipe. Rime cause, on a rien à faire. Fais chauffer le moteur, tous les bolides là. Hein, envoie la sauce, ma gueule. Les mains sales, prochaine étape, alimenter Gaza. Tu te fais avancer de la dos, tu la coupes, tu la vends. Et quand les keufs cassent ta porte, là tu pètes un boulard. Obligé de faire du sale. Le cul au chaud dans le gars monstre. Le bide rempli de hamos. J'ai pas beaucoup d'hermanos. Mais je tiens le coup comme Sergio Ramos. J'arrive de la vie des bracos. Del capo, del capi. 520 chameaux sur le capot. 63 sur le bateau. Sias bin Las Vegas. T'es au state là, ma gueule. On voit le kilo d'or enculé. T'es mort. Mais sur Paname. Chien. Bouffon. Comme dirait l'un de mes amigos. L'argent c'est comme un glaçon, ça se met au frigo ou ça fond. Adjoumer à bitch, je roule comme Felipe Massa. On a rien à foutre, frère, on est que de passage. On fait les fous, on fait les sous. J'ai rendez-vous pour un massage, les mains sales. Prochaine étape, alimenter Gaza. Tu te fais avancer de la dos, tu la coupes. Qu'est-ce que tu vas faire? Et quand les keufs, rien mec, porte, là, tu rien mec. Obligé de faire du sale. C'était là pour quoi, mec? Hein? FMI. Hey, dédicace à Montreuil, quartier Bel Air, Toudo, t'inquiète, le Renoir, hein? Mon gars Saïd Popo, t'inquiète, tous les vrais, tous ceux qui charbonnent, aïe, tous les frérots dans le 9-3, jusqu'à Luzani, jusqu'à Aubert, hors série, hors série. C'est la nocturne avec Tonton Rimka au contrôle, AP qui est là aussi en renfort ce soir dans l'émission. Et le clip à 50 000 dollars. Aïe. Tourne à Dubaï. Tourne à Dubaï. Ouais, ouais, du coup. Avec des avions, avec des voitures. Tu convertis en euros, tu des jets, en euros, fais les calculs en euros. En euros, on leur a dit en dollars, mais. Sors de la calculette, cousin. Le morceau s'appelle CAC 40, il fait partie des hors-séries qu'on peut retrouver sur ta chaîne YouTube, hein, Rimka. Voilà, celui-là, c'est le premier que j'ai envoyé pour donner le ton. Donc voilà, les gens, ils ont pu voir que cette année, on est énervé, que l'album, il se prépare, il est vraiment costaud. Tu bosses avec qui en prod, d'ailleurs, sur les sons, Rimka? Bah, l'album qui est en train de se préparer, principalement, je suis en train de le réaliser avec trois personnes. C'est Will Star, Therapy et Marcus, qui fait partie de mon écurie. Donc voilà, là, c'est la plupart des morceaux qui ont été faits dans l'album, c'est ces gens-là qui vont les faire. Et il reste encore quelques titres à terminer, à peaufiner, il y aura des belles surprises. Bon, ce sera pour 2015. Je pense, ouais, surtout 2015, donc voilà. Et donc voilà, on travaille dessus, mais vraiment, c'est pas que les gens ils pensent que ça va être une sortie banale comme les autres. Là, on est en train de mettre les moyens Et il y a des gens derrière nous, on a des gros sponsors, on est en train de faire les nouveaux deals, donc vous allez voir que ça va pas se passer comme d'habitude. Et ben on attend ça pour 2015, en attendant, pour se régaler, aller faire un tour sur la chaîne YouTube de Rimka. Voilà. Il y a tous les sons, toutes les vidéos possibles. Des tournées aussi, Rimka, tu continues à tourner parce que vous arrêtez jamais, hein, que ce soit AP aussi. Ouais, toujours, bah, AP m'accompagne sur toutes les tournées. Ouais. Exactement. Voilà, ce qui fait que il y a toujours, pour les aficionados de 113, il y a toujours une petite aparté où, voilà, on. Mais comment passer à côté? Ouais, on est obligé, c'est impossible. Impossible. Ouais, donc c'est comme ça que ça se passe sur scène. On est partout. On a fait une grosse tournée au Maghreb. Et bah là, je continue un peu à faire un peu des dates avec Déconnecté Tour, on l'appelle. Un peu avec Amida quelquefois ou Kaina. Et là, donc beaucoup de concerts qui sont prévus pour janvier, février. Donc faut suivre sur les réseaux sociaux pour avoir toutes les dates. Voilà, faut suivre sur pas sur YouTube, plus sur le Facebook Rimka officiel. Tous les réseaux, ils s'appellent officiel, Rimka officiel, Twitter, Instagram, Facebook. Magnifique, allez cliquer. On repart sur quoi, Rimka? Comme là, son, il y a du Mac Tailleur que tu m'as mis, il y a du Mokobé, du Seth Gecko. Bah là, j'aimerais qu'on parte sur le frérot Mokobé. Ouais. Ouais, sur le frérot Mokobé qui a sorti Son of Africa la semaine dernière. Sur une grosse zig de Jay-Z et Rick Ross. Donc voilà, on va s'écouter ça. Allez, c'est parti. Ici Chacal, MO, aïe aïe aïe. Hein? C'est boudé ma gueule. Faut pas être goûté ma gueule. Sois pas dégoûté ma gueule. Hein? Fuck you. Dégoûté ma gueule. Mokobé, yeah! 113 gants! Tu vas faire quoi? Ah! On vous découvre. Tous les voyants sont au rouge, négas. Heck. Y'a plus de ralzi, faut qu'on se bouge, négas. Heck. Y'a que les cons au bout du fil, les sur écoute, négas. L'Afrique, le steak, tout le monde, y'a aucun doute, négas. La fin change, les hommes en bête. Tu caches du matin chez toi, c'est que t'es vraiment bête. L'État veut nous mater en laisse pour nous contrôler. J'ai un mental d'acier, je suis un fils d'ouvrier. Non mais je vais pas j'ai la barricade des enfants. Sonic a l'aimé en plus. Dis-le, frérot. Dangereux comme avoir un style dans la rage. La fausse des l'industrie du disque à la route. Grandi parmi les plus gros braqueurs de bouquet. La haine m'a appris à me lever comme un pistolet. 3 millions de coups de victoire. Donc comme ça fait mal, c'est même encore. Dis-le, frérot. Les puristes de merde. Mais. Ils sont devant leur ordi. Bien sûr. Mais face à face, c'est d'être sur ce pignon comme Jordi. Ramène ta gueule un peu que je l'écrase avec les Jordans. Tous ces acteurs comme interdit, je laisserai mes pauvres à la bouche, t'as que vous, là, la vie. On les baisse, on les baisse. Appelle-moi Billy Billy, j'ai la rime qui pique. Dis-le, je suis là pour faire du milli, représenter l'Afrique. Je suis là. Tu vois bien que le game tourne en bourrique. Je suis venu signer un Africa. Classique. J'aime qu'à mon argent, c'est un zéro. Si, si, chacun. Brrr. Ma fille à Satie, Boutienne, voilà ce que je veux dans mon assiette. Naturel, pas comme les starlets, Botox sur la croisette. Mon Robert, tu parles dans mon toucher, mais il me semble qu'on s'est croisé. Tu m'as souri, serré la main, ton courage a fait une croisière. Je vais la faire à la régulière, pas de tâche par derrière. Ta carrière au cimetière normal, t'as le charisme d'une serpillère. Comme Ali, vous maillez face à Forman, j'ai la force du caractère. D'ailleurs, Touré, Drogba, Samuel Eto'o et le ballon d'or, monsieur Blatter. Mon copain, Vida Loca, Vida Loco. 113. Tu touches à ma mifa, t'as le femme Rambo. On a débuté dans un local, pour finir en studio. Dans le dos. Des profs à l'époque, ne croyez pas en nous, tu seras escroc ou toxico. Yeah. Loupé, la plupart d'entre nous vont l'en couper. Que Dieu soit loué, Hamdoulah, la famille a de quoi manger. Fuck you, je veux le salaire du carré. Ben, fuck you, je veux le salaire du carré. Ben, fuck you, qui tient les manettes. Wow, j'ai dit. Fuck you, je veux le salaire du carré. Ben, fuck you, je veux le salaire du carré. Ben, fuck you, je veux le salaire du carré. Ben, argent sale qui tient les manettes. Wow, fuck you, je veux le salaire du carré. Tous fabriquent en Chine à part le courage. A tous nos disparus, je rends hommage. Son of Africa. Oui, c'est moi, Mokobé. Je rappe pas que sur du coupé décalé. Bien dit, frérot. D'ailleurs, il vous a découpé. Yeah. Bon enculé. Planète grave. 100% explicite lyrics. Libérez Harris. Libérez Harris. Libérez Harris. Une spéciale pour le frérot Harris. Derrière les barreaux. Aïe aïe aïe. Loïc. Ici. Tous les mecs de Vitry, Fleury, Fred, jusque loin. On laisse des balles perdues pour pas que les témoins jaillent. Cesse un peu de parler et passe à l'acte. La cocaïne au fond de tes narines. Glock dans la bouche, poudre à canon au fond des canines. Les remontées sont armées, ça se déplace pour un attendant. Dans ton sous-sol, car tu t'y attends pas. C'est la colère, tu mets ma rebu dans tes molaires. Pour l'instant je tolère, je vais pas tarder à niquer leur mère. On fumera en hiver, car la vengeance ça se mange froid. Pressé comme la détente, appuyé par mon deuxième doigt. Joue à la roulette russe, car on t'en laisse pas le choix. Gucci lui vit tous les jours, et ton frère rend tes choix. T'as pas le droit à l'erreur. Au grand quartier, tu Vitrine 9-4, mon pote. Barrière, qui dit mieux? Au 13, il y a du boulot pour les brancardiers. T'as pas le droit à l'erreur. Au grand quartier, tu bats, tu meurs. La devise du grand quartier. Barrière, on sonne la police. L'empereur de Vitry, mon ami. Ça arrive sur vous. Les brancardiers, Momo. Tu rappes que la misère, on n'a jamais vu que tu brassais. On sort de tôle avec toi, ta meuf t'as mis le bracelet. Me parle pas de régiment, non. Chez moi c'est déjà la guérilla. Dans nos quartiers, celui-là qui donne un nom. Pépérira un poteur en promenade, histoire de se régaler. Ça te démarre très vite, car on a changé les galets. La vie est courte. Que devant 44 magnum, arrête de me parler d'herbe. Y'a qu'en bois que t'as vu un magnum. Plus on attend, plus les représailles seront graves. Ça commence par le vol pour Jamie un désiré Harris. Sur nos terrains, allez, on pour toi, celle-là. Une balle, un règlement de compte. Ça transperce, ça me ça passe l'hiver. Bichet hein, la fonte. Ça part à l'erreur. Au grand quartier, tu vas, tu meurs. La devise du grand quartier. On somme la police, on se poursuit dans nos grands quartiers. Il y a du boulot pour les brancardiers. Ça part à l'erreur. Au grand quartier, tu baves, tu meurs. La devise du grand quartier. On somme la police, on se poursuit dans nos grands quartiers. Venez chez nous, il y a du boulot pour les brancardiers. Yeah. Libéré Harris, Ryan, Carlos, Habib, Bakari, Sassi, Boucher, bisous frérot, la boule, le poteau, Camigroud. C'est la nocturne et c'est Rimka au contrôle de la nocturne. Barillé, c'est bien yeah, ça, le ouais. Garçon. Barillé, jeune rappeur de Vitry, vraiment très très jeune. Faut que les gens ils se disent qu'il faut vraiment qu'ils le sachent. Hein. Il est vraiment ouais, ouais. Très jeune. C'est vrai. Ouais, faut qu'il pas trop son âge. À un moment sur le net, les gens ils pensaient qu'il était. C'était un mec âgé. C'était un mec âgé, que c'était un mec confirmé. Non, non. Non, non, non. Il fait ses preuves. Il est très, très jeune et donc voilà, il envoie très, très fort. Et donc c'est un mec de Vitry, de chez nous, notre quartier. Donc voilà, on lui file un coup de main. Donc belle écriture. Belle écriture. Pour comme à chaque fois d'ailleurs. Hein. Chaque fois vous avez pu mettre en avant. Ouais, ben c'est ce qui fait un peu notre patte. C'est ça un peu. On vient d'Illégal Radio notamment. Exactement. Là où on a mis des jeunes en valeur, on a mis des jeunes à la lumière. C'est un peu notre rôle à nous. Le rap, c'est pas un truc personnel. C'est du partage. C'est de la musique. C'est rien. C'est que de la musique. Donc on partage et on fait plaisir aux plus jeunes. Le Hall 13 va bien? Oui. Très très bien. Toujours chargé, toujours craqué. Il a été refait. On a refait les murs. Ah bah. Ils ont refait les murs, mais ils ont parfait les gueules. Toujours les mêmes gueules. C'est et du marbre à la place de. C'est ça. Il a dit Karim. Ah, ils ont quand même mis du marbre maintenant. C'est bien. Des têtes marbrées. C'est ça qu'ils voulaient. Ah oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc, on continue pendant les deux morceaux encore, Rimka. Ouais, on va se faire deux dernières tueries. C'est deux collabs que j'ai fait. Ouais. Une avec Mac Tailleur, toujours Tarco. Et une autre avec laquelle, Mac Tailleur? Ouais, avec Mac Tailleur. Allez, c'est parti. La nocturne. Rimka au contrôle, AP dans le coin aussi. Si, si, Chaka. Cela, cela, c'est pour Aubert. Tous mes belles cadeaux d'Aubert. Les goûts, saut, toute la famille du 9-3. On y va. R.I.M. Saut. Bye, qu'on fait un météorisme. On est toujours Tarco. On est toujours Tarco. on est toujours Darko. On est toujours Darko. C'est les vrais sur Ghetto. On est toujours Darko. Je suis toujours Darko. La ville qui contrôle le 9-3. Tu me connais, tu sais que je suce pas. Ne m'énerve pas, j'ai peur que le coup parte. Ne m'énerve pas, j'ai peur que le coup parte. Par ici la violence, par ici la police. Ici les 9 et les mecs sur des choristes. Depuis le clash de ces trois rappeurs, paraît qu'on fait un métier à Ouris. Paraît qu'on fait un métier à Ouris. En vous voyant les mecs de rue, les vrais doivent mourir de rire. Je suis pas des curies, normal c'est la mienne, c'est mon industrie. J'enchaîne tuerie sur tuerie, tuerie. Gros haut, mauvais parachutiste. Pourquoi subir la mauvaise humeur d'un juriste? On est toujours Darko. On est toujours Darko. On est toujours Darko. On est toujours Darko. 9-4, 9-3. Sportswear ou en Starko. On est toujours Darko. On est toujours Darko. Manipuler les armes, vendre de la drogue. Parce que c'est la misère, on encule le proc. Parce que c'est la misère, on encule le proc. Faire des coups, se cache pas dans une bouteille de proc. Tu chantes de la variette, je chante de la trappe et quiet. Pas de strass et paillette. Pas de Nabila, pas de IM. J'entends la souffrance de mon 9-3 à fond dans ton cahier. Pourquoi tu sais c'est foutu? Tu les respectes plus que ton père. Je respecte les mères, mais là tu mérites une rafale dans ta mère. On a fait ceci, on a fait cela, on a tout vécu, oui c'est ça. Si tu mets ma voix dans Shazam, ton smartphone va te sortir une arme. On est toujours Darko. On est toujours Darko. On est toujours Darko. On est toujours Darko. Comment est-il qu'il y a du 9-4? Comment est-il qu'il y a du 9-3? On est toujours jusqu'à la Courneuve. Je suis jusqu'à Pierre Coustin. À Genève, j'ai forcé le coffre. On fait péter la sécurité. Bang. Les gosses de la rue, tous des cancres. On est sur la crosse. On monte la bande. 113 clans, 113 gangs. Tous mes billets sont achetés d'encre. Devant le studio, j'ai gagné un jardin sans. Je l'en plus le cul comme une garde à chiant. Toujours au cœur, bon, je suis à mon compte. Je suis sur la con, je visite les gens. Fils de pute, on est planté dans le saladier de con. On a fait du sale, on a fait des fautes. Souris pour tous les keufs, prennent la tombe. Paranormal activity. Je suis inspiré à la Poliaco. On est toujours Darko. On est toujours Darko. On est toujours Darko. On est toujours Darko. Aïe aïe aïe. Dédicacé Aubert. La Courneuve. Stein. Je suis Bobo, chemin vert. On est toujours Darko. On est toujours Darko. On est toujours Darko. On est toujours Darko. Roli, Roli, t'inquiète, on est ensemble. Sportswear ou en Starko. On est toujours Darko. Je suis toujours Darko. Villiers le Bel, Mehdi Chicha, Ousmane Badara. Bisous frérot. Aïe aïe, Champigny, Moussa, Chanteloup, Derder, soldat légendaire. Aïe aïe aïe, le bûcher. 100% rap français. 100% explicit lyrics. Écoute cette boucherie. Tu peux pas être passé à côté de ça. Cette gecko, Rimka, la crime. Sissi chacal, sissi chacal. Écoute ça, aïe aïe aïe. Ah! Sissi chacal. La plupart si tu blesses, meuf. Zéro trait, te dois ta retraite. Sinon je tire sur les keufs. Mon cher bon jusqu'à ton village. J'ai vu la peur sur ton visage. Je veux la via, David, via. Trois meufs dans ma villa. Dans tout le temps, je m'en bats les couilles. Je suis un frère à des goûts. C'est les malécos, même si t'es balèze. Ça m'allait, ça mitraille et te rendra les coups. Frontière espagnole, couture italienne, voiture allemande, alcool russe. Shit du Maroc, l'herbe l'anglaise. La clim pour une valence, tu baisses à l'anglaise. Dans ta gueule, qu'est-ce que tu connais ma vie? Tu me prends pour un petit bouffon parce qu'une fois tu m'as vu. Oui, mais là je te baisse. Fidèle à ma femme, fidèle à ma paix. Je suis toujours le même, risqué la cadavre. Fidèle à mon peuple, fidèle à ma taille. Ok, tire, juste un coup de bigot. Ça ravitaille le bédo. Coucou, le zippo, on brûle les barricades du dépôt. Coucou, Trito, je les prends, des amygdales au clito. Coucou, Tiso, comme dans la capitale Soweto. Coucou, Chico, cannibale au resto. Conchita fait nous, qu'il est là-bas, là. Son débo. Coucou, j'ai les bébés. Car la fichaille nous n'écho. Bourrico, le rap, c'est la patinoire du ghetto. Écoute, Nico, et non pas la patinoire du ghetto. Rinzo, Nitro et Paris, comme je dis Kamel, c'est Rinzo. Je découpe la concurrence, Dexter. À cause du mariage gay, bientôt on dira plus nique ta mère. Lâche-moi chat-chat. Y'a trop de merde sur les zones, négro, laisse-moi tirer la chasse. Depuis ton petit l'esprit assassin comme Mathias. Je compte plus sur l'avenir, je vais donc te braquer ta liasse. Pour te menacer, frérot, pas besoin d'une calache. J'oublie pas que c'est une simple rafale que pénètre un cadavre. Je te la découpe la pro, chirurgicale à l'incision. Pas qu'on répande sur le scène Stevie Wonder dans la salle d'intervention. De la merde, j'ai passé mon diplôme de natation. J'connais une belle marseillaise, mais pas l'île de la nation. On hate à cause de ces lois que nous outrepassons. Si les keufs se mettent sur nous, ils vont pécher une compassion. Malarmo, tout par chagour, j'écris à la salle de tir. Cagoule, combette, chicha, bête, carbone, elle fraquait. La cité, j'emporte les contusions. Tête de mort sur le blouson. J'ai une nouvelle arme, j'attends la livraison. Ma weed, elle est en floraison. Les petits frères tous en prison. J'ai un pare-balles en pot de prison. La guerre, c'est du business pour la faire. J'ai un putain de million de raisons. J'suis un paname, j'ai de la reprise comme une bécane. Père de Ray-Ban. J'ai sorti le PM au phare jaune pour traquer la carbone. J'viens de déterrorise, les merdes nettoyeur comme Ferrari. J'suis un pilote Ferrari. Même qu'à être invité, c'est des sons qui les prennent. Ça sent le match de rose. Écoute, j'ai un vitri. Ce que c'est, Gecko est un bouquet. Parcours et bonne, je rabats sous mes rébans. Parcours et bonne, oui, mais parcours et bonne. Parcours et bonne, je rabats sous mes rébans. Y'a les cœurs, parcours et bouchette. La nocturne avec ce morceau Paco Rabanne où il y a du monde dessus. Il y a Rimka évidemment, Lacrim, McTayer et Seth Gecko. C'est ça. Pour conclure ce premier début de nocturne, merci Rimka d'être passé. Merci à toi pour l'accueil. Comme d'hab. Un plaisir, ouais. La porte est ouverte. La nocturne, ça fait des années qu'on l'a fait, que tu nous reçois, ça fait vraiment plaisir. C'est un terrain d'expression pour nous, voilà, c'est un peu plus urbain, on peut se lâcher un peu plus, c'est une super ambiance, donc merci à toi Fred pour l'accueil. Et merci à toi MK, AP, merci aussi, on t'attend, alors AP, pour quand alors? Ben, pour quand, ben, Inch'Allah, déjà avant la fin de l'année, déjà, j'ai envoyé un morceau. T'envoies un truc? Et après, on verra, et je suis toujours avec le frérot Rimka. Sur cet album aussi, c'est moi qui le réalise, donc voilà, je suis toujours... Travail d'équipe, toujours dans la musique et... Moi, c'est un passe-temps, c'est un plaisir, et voilà. Et puis, on attend aussi, par la suite, un album du 113. Hein. Je pense tu sais, 113, il y a toujours de l'actu. Après, la force qu'on a avec 113, c'est pour nous, c'est aujourd'hui, c'est plus qu'un groupe, c'est une institution. Donc, ça veut, même quand il n'y a pas d'album, et on fait plein de choses à côté, on fait de l'associatif, on fait plein de choses. D'ailleurs, le 22 décembre, j'invite tout le monde à Vitry, à venir au Noël des quartiers qu'on fait tous les ans. C'est la 5e édition, donc voilà. Donc 22 décembre du côté de Vitry pour ceux retrouver. Qui veulent voir le 113. Et ben merci Rimka, merci AP, merci à toute l'équipe. Toi, on rappelle que la chaîne YouTube de Rimka, vous retrouvez évidemment tous les hors-séries, tous les sons qui sortent. Allez cliquer, allez vous renseigner. Yeah, chaîne YouTube officielle Rimka, Rimka officiel, vous allez dessus. Et il y a tous les clips, tous les derniers clips, toutes les dernières tueries, tous les hors-séries. Et je voulais juste ajouter une dernière chose, le 22 décembre, la journée on sera à Vitry pour le Noël des quartiers. Mmh. Et le soir on sera à Plug Foodstar. Exactement, à Rouen. Voilà, avec Mathieu Baudemer qui organise aussi pareil un truc pour associatif pour les jeunes de chez lui. Donc on ira le soutenir. Et bien profitons-en, petit pronostic, PSGOM s'approche, c'est dimanche les gars. Classico. Bon, ouais, l'équipe est en forme. Bon match de Ligue des Champions récemment. Donc je pense Roma que 5. Là, Ibra, on l'aura peut-être en surprise, Ibra. On sait jamais. Mais moi je donne un pronostic, je me mouille et je dis 2-0 pour Paris. Allez, 2-0 pour Paris. Après. Moi pareil, mais je sais qu'on va gagner. Quoi qu'il arrive, on va gagner. Moi je dis 2-1. Allez, à suivre dimanche soir. Merci à vous en tout cas les gars. Merci mon. Je vais vous présenter un petit gars qui s'appelle Bratso. C'est lui qui reprend les contrôles de la nocturne pour la fin de nocturne. Il vient du 9-5. On va écouter ça. Vous allez pouvoir découvrir Bratso maintenant. Dans la deuxième partie de la nocturne. Ciao, merci à vous. Merci mon groupe. 9-4 poteau. Planète rap. 100% rap français. j'ouvre le bal. Débrouille Artiste volume 2 sur iTunes, frérot. Gros big up à Chambre Noire pour le clip. Yes. OLR dans la maison. Encore un trop. Tu prends un relais, tu ne vois plus derrière. Micro, frérot. Un. Entre le rap et la réalité. Tes oreilles en manque de vérité. Un. Brato, my man. Yeah. Yeah. Je sais que l'horreur est humaine. Souris les problèmes. Coupable pour nous régler la vie que je mène. Je ne pourrais en vouloir qu'à moi-même. Dans mon son, aucune délégation. Toujours le respect, mais impossible que je puisse recevoir la morale d'un rappeur, la nouvelle génération. Fallait bien qu'il y en ait un qui sort du lot. Versé par du gros son, je me dois d'en faire sans poser de questions. Prisonnier de ma cabine, mes questions. Je me sens plus sécurisé solo. Tout que j'ai pu t'écraser. Jeune, sans limite opposée. Suis-je obligé de pêcher pour brasser? Je me sens comme un criminel libéré. Péré, juste le son pour m'opérer. Entre le rap, la tête, c'était serré. Ali m'a ramassé comme un péré. Je pique ma feuille, je pique ton cœur. J'ai une mauvaise mine aiguisée. La voix qui peur relativiser. Toutes ces grandeurs minimisées. Dis à ton rappeur préféré de faire un best-of et de me laisser ou de faire croquer ce qu'il mérite, pas s'enterrer sans rien laisser. Dis à ton rappeur préféré de faire un best-of et de nous laisser ou de faire croquer ce qu'il mérite, pas s'enterrer sans rien laisser. PPR, ATS sont dans la caisse. Comme un keuf, c'est le son qui t'agresse. Plus social que la crise ou la caisse. Plus commercial que le process de la thèse. PR, ATS sont dans la caisse. Comme un keuf, c'est le son qui t'agresse. Plus social que la crise ou la caisse. Plus commercial que le process de la thèse. Oui, je sais que l'horreur est humaine. Sourire et problème. Coupable, honoré de la vie que je mène. Je ne pourrais en vouloir qu'à moi-même. Dans mon son, aucune délégation. Non, non. Toujours le respect. Mais impossible que je puisse recevoir la morale d'un rappeur de la nouvelle génération. Ah! Ok, laisse-nous faire les choses. C'est pour tous ceux qui ont pu me pousser vers le haut. Yep. Trixma, DRJ, Fayasta, l'éthique. L'éthique présente. The Punisher, Rise. Pour mon équipe, qu'est-ce que tu pour moi? Lino, Gerna. Et mon manager Ali. Pour mes vrais gars et mes grands frères. Qui poussent mes ambitions et suivent ma direction. Nene, Malo, GG, DGO, Will, Jano, Cos, Vinkey, Ibrahim, Haku, Samir, Racho. Une partie de ma ville et de mon quartier. Tout neuf cinq. Notre tour arrive, vous inquiétez pas. A tous nos proches partis trop tôt. A tous les vrais. Bref. Cette mixtape, c'est eux et moi. Ouais, ouais. Un. Des bruits artistes avant la suite. Débrouille Artiste sur iTunes. Débrouille Artiste volume 2, gros. C'est la nocturne 100% rap français. Il vient de débarquer dans le studio. Le garçon, vous l'entendez, il s'appelle Bratso avec nous. R-A-T-S-O. Ça va? Ça va et toi? Bah écoute, ça fait plaisir de te recevoir. Les nouveaux talents de la nocturne, Bratso. Avec un projet qui est déjà dans les bacs virtuels. Ouais. Dans digital, sur iTunes, ouais. Qu'on peut trouver avec le morceau J'ouvre le bal à l'instant. Ça fait plaisir de te recevoir pendant une bonne heure. Yes. On va partager le micro. T'es venu pas tout seul? Ah non, je suis pas tout seul. Je suis avec Hako, je suis avec Vinky. Il y a Dems qui vient d'arriver, va kicker aussi. Je suis avec la famille, hein. Bon, alors on va expliquer un petit peu ton parcours, toi, Bratso, parce que t'es tout jeune dans le game, tu l'expliques dans Jeu Global. Mm-hmm. Tu viens du 9-5. Ouais, Goussainville. Parle-nous, fais-nous un petit CV express, parce que t'as commencé très tôt, toi, très jeune. Ouais, très jeune, en fait, tu vois, j'appelle pas ça rapper, mais tu vois, écrire des bouts de phrases comme ça dès l'âge de 6-7 ans. Mm-hmm. Ensuite, on n'a jamais lâché le steak, tu vois, j'ai fait des concerts assez tôt, j'ai fait des studios tôt, on a rappé tôt, tu vois. Aujourd'hui, on lâche pas, tu vois. Toujours dans le truc, quoi. Toujours dans le truc. Il y avait une vidéo qui était parue à l'époque sur le site Buzz de Fou, hein, mm-hmm. Ouais. Qu'on salue, qui avait pas mal buzzé justement, où ils faisaient tour des différents quartiers. Puis toi, t'étais là, t'avais rappé, t'avais kické. Ils sont venus dans mon quartier, tu vois, j'étais le seul petit, comme tu peux le voir. Ouais. Et ça a donné, hein. C'est suite à ça que j'ai rencontré Ali. Parce que moi, je suis pas un artiste Buzz de Fou, je tiens à le préciser. Je suis managé par Ali, pas par Buzz de Fou. J'ai rien à voir avec ça. Et j'en profite parce que l'équipe est là, tu vois, pour le dire. Mmh. Et puis petit à petit, t'as continué ton chemin. Ouais. Et donc là, t'es rentré en studio pour ce projet. Il y avait déjà eu un projet donc avant, puisque c'est le volume 2. Ouais, c'est le volume 2. Ouais, j'avais 16 ans, j'ai fait des bois artistes, c'est le 1. Il est toujours disponible en téléchargement gratuit. On peut toujours le trouver pour savoir un petit peu et en savoir un petit peu plus sur ce garçon qui s'appelle Bratzo, qui va être là au micro. Il y aura un gros freestyle tout à l'heure, Bratzo. Gros freestyle, ouais. On va rappeler assez longtemps, tu vois, 30 minutes, mais on aurait pu faire plus, hein, 50. Mais 30 minutes, c'est bien, c'est ambitieux déjà. On va voir ça tout à l'heure. Donc tu seras au micro pendant un gros live à pas louper tout à l'heure dans la nocturne. Et puis là, on va découvrir donc ce volume 2 qui est dispo Débrouille Artiste. Yes. Parce que c'est à la démerde en fait, non? Débrouillard. Tout seul? Tout seul. Les prods, c'est qui? Toi, t'en fais aussi des prods, hein? Ouais, je fais des prods. J'en ai fait 3 ou 4 dans le projet. Donc, artiste complet, hein. Le mec écrit, rap, sait faire du son. Ouais, il y a aussi des grosses prods, tu vois. On avait DJ Rise, on a fait un gros son. On a eu Trixma, Punisher. Et un gars, moi, du 9-5, Zivka. Zivka, et ben on va découvrir tout ça ce soir dans la nocturne 100% rap français. Tu veux qu'on balance quoi comme morceau, Bratzo, maintenant? Ma musique. Ouais. Et bah, bonne idée, celui-ci, il est produit par... Par DJ Rise. Gros big up, le roi. Big up, Dokness. Rise, le roi. Sans jaille, comme vous dites. Ah, avec le daron, t'as rencontré le daron aussi. Exactement. Gros big up, Ali. Ah ouais, une grosse dédicace. Et Rise et au daron, c'est parti. Elle m'a jamais délaissé, je peux pas m'enlacer. Sa mélodie me hante en traversant mon passé. Elle fait battre mon cœur quand le tien est touché. Colore mes douleurs quand les tiennes sont tachées. Authentique depuis le départ. Jamais rien à lâcher. Hein. Jusqu'à ce que notre nom sépare. Ma musique, mon trajet. Hey. Je suis déjà condamné à vivre, à part mon fond. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Mes idées sont claires. Il me reste plus qu'à noircir mes feuilles. Je garde la foi, je fais mes prières en pleurant. Je veux pas partir en courant, j'espère attester en mourant. Car la musique me mange, elle a pris trop de place dans mon cœur. C'est mon passement quand je saigne, mais c'est peut-être elle. La cause ma douleur, j'ai pas de frein mais j'avance. Tombé, j'en perds mes sens. Un peu d'espoir depuis tout petit, cherche mes chances. Elle a fait plaisir à certains et en a rendu fou d'autres. Ils aiment mon son, mais sinon que j'aille bien ou mal. Ils s'en foutent, c'est la réponse à mes questions. Elle additionne mes envies, c'est la seule qui a su montrer que je serais peut-être mieux sans vous. Sans elle, j'ai peut-être sans voix. Ce qui est sûr, c'est qu'elle me laisse sans voix. Mais où je serais, qui m'écouterait si Dieu m'aurait mis sans voix? J'ai pas le temps, l'avenir me guette. Le passé, le présent m'inquiète. Ali m'appelle, j'ai dit tout, faut que j'aille pousser. Elle m'a jamais délaissé, je peux pas m'enlacer. Sa mélodie me hante en traversant mon passé. Elle fait battre mon cœur quand le tien est touché. Colore mes douleurs quand les tiennes sont tachées. Authentique depuis le départ. Jamais rien à cacher, jamais rien à cacher. Jusqu'à ce que notre nous sépare. Ma musique, mon trajet. Ma musique, mon trajet. Les anges s'éloignent de moi quand toutes ces notes me bordent. Elle est vide dans ma poitrine et je prie pour qu'elle en sorte. Elle a pu m'inspirer. Je suis plus ce petit de la tête qui passe les nuits à espérer. Man, je veux respirer, me relever malgré un chaos. Kiké, ouais, kiké, mais c'est péter le bac au cas où. Parce qu'à ce qui paraît, rapper, je suis bon classe. En cours depuis la primaire, je n'ai que des mixtapes dans mon cul. J'écoute des prods. Wesh le game, je t'écoute plus. Avant c'était la rue. Maintenant tu trafiques tes vues. Eh ouais. Ne parlez pas des clashs, des histoires entre artistes. Respect au grand, mais moi. Elle m'a jamais délaissé, je peux pas m'enlacer. Sa mélodie me hante en traversant mon passé. Elle fait battre mon cœur quand le tien est touché. Colore mes douleurs quand les tiennes sont cachées. Authentique depuis le départ. Jamais rien à cacher. Yeah. Jusqu'à ce que notre nous sépare. Ma musique, mon trajet. Les frères le savent. Rapper, je suis bon casse ça. Pète ça, mère, il faut que ça pète ça. Mère, écoute depuis la première. N'ai que des mixtapes dans mon cul, ça. Pète ça, pète ça, pète ça. Ouais, ouais. Rapper, je suis bon casse ça. Pète ça, pète ça, pète ça. Mère, en cours depuis la première, n'ai que des mixtapes. Elle m'a jamais délaissé. Je peux pas m'enlacer. Sa mélodie me hante en traversant mon passé. Elle fait battre mon cœur quand le tien est touché. Colore mes douleurs quand les tiennes sont tachées. Authentique depuis le départ. Les vrais le savent. Les vrais le savent, hein. Jusqu'à ce que notre nom ça se passe sur Sky, gros. Ma musique, mon trajet. Ma musique, mon trajet. Ok. Grosse instru encore, big up au roi. On s'en jaille, comme tu le dis, gros. Laisse-nous faire les choses. On est l'air dans la maison. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Celle-là, c'est pour tout le 9-5. Certifié 95, gros. Laisse-nous faire les choses. What's on my man? B-R-A-T-S-O. Laisse-nous faire les choses. 9-5, gros. Yeah. Certifié depuis le bac à sable. Qu'on était tous insortables. Mentalité instable. Instable. Je n'ai que des pêches dans mon cartable. Voilà. Un bap tout qui sort du bloc. Du bloc. Comme un loup lâché dans l'enclos. L'enclos. J'ai cette question qui me taraude. Est-ce que mes ennemis en ont assez dans le froc? J'écoute des grosses prods. Rien à foutre du game. Et si je fais tout ça, crois-moi, c'est pas pour des gemmes. Et surtout pas pour des chaînes. Je suis pas qu'à faire ça pour canaliser mes nerfs et pour esquiver l'échec. Un petit dégain. Négligé. Quand je rentre sur scène, il est soulagé. Quand le public saigne, il demande tous à la fin si je signe. Ramassé, si ton petit cœur se décassé. Je suis débarrassé, trop de bâtards j'ai dédicacé. Jamais assez, mais j'ai de quoi t'en faire des ce que dis. Ouais, ouais, passé. Je te le dis, ouais. Pendant qu'ils se prennent la tête à rapper pour le style, je suis juste à la recherche d'un adversaire de taille. Yeah. Je n'ai pas besoin de fiches, j'ai juste besoin de mailles. Soin de mailles. Pas besoin d'un psy, j'ai juste besoin d'un mic. Laisse tout faire les œufs chauds, je progresse en étrinqué pour mes rivaux. B-B-R-A-T-S-O, compare pas ces cas à studio. Pareil que tes petits PD veulent de la trappe, hein. Si t'en as pas assez, plante-toi up, hein. Si je prends le mic, c'est pour faire du rap, oh. J'ai des rides dans le crâne et j'accélère, vois le game en panne. Parfois je me demande qui peut m'arrêter. Même l'ingé ne peut pas hésiter. J'ai pas de fond, mais j'ai des idées, ouais c'est décidé. J'arrive, ouais. J'en ai rien à foutre. La manière, un coup sa ville, 95 sur la bannière. Prince. Yeah. Pendant qu'ils se prennent la tête à rapper pour le style, j'suis juste à la recherche d'un adversaire de taille. Je n'ai pas besoin de filles, j'ai juste besoin de mic. Je n'ai pas besoin d'un psy, j'ai juste besoin d'un mic. Eh ouais, B-R-A-T-S-O sur Sky. Laisse nous faire les choses. B-R-A-T-S-O. Ouais, l'air. B-R-A-T-S-O. Ok. Planète rap. 100% rap français. Comme je suis. Encore extrait de Débrouille Artiste, volume 2 sur iTunes. Braxo, my man. Laisse nous faire les choses. Okay. Big up à Trixma pour la prod, gros. Je suis comme je suis. Un. Okay. Le cœur qui bat comme un sac de frappe. J'ai la dalle, MC, méfie-toi. Mental solide, team radical. Bonhomme, l'instable, mes droits. Parce que je suis bon qu'à me débrouiller. Tirer sur ce que je peux viser. Je m'isole, je me sens mûlant du bruit. Avec le sommeil pour tranquilliser. Amour à nos stades, c'est là, on devient panier. Qui veut m'apprendre? Va venir la prendre avec un maximum d'alliés. Lâche le mic, laisse-moi faire, je te déconseille de rapper après. Laisse un jungle après mon son, poteau. Le concurrent n'est pas prêt. Je suis comme je. Change aucune logique devant n'importe quel commentaire. Faut que j'agisse dans le game comme débrouillard jusqu'à ce commentaire. Pour que les miens se rassemblent, le temps passe, j'attends mon heure. J'suis la réussite de mes ennemis, même si mon malheur fera leur bonheur. J'suis le vécu de tous mes amis, j'pense à eux que Dieu les préserve. Toujours réglo en ce qui me concerne, j'garde dans le cœur tout ce qu'il me concerne. Change aucune logique devant n'importe quel commentaire. Faut que j'agisse dans le game comme auteur. Débrouillard jusqu'à ce commentaire. Oh, négligé, mais ils ont craqué. Pense à ta défense avant de m'attaquer. Oh, à les entendre, on sera jamais prêt. Essaye d'être remarquable avant de faire remarquer la galère avant le salaire. Bratio au LR, moi il m'énerve à la déguerre. En temps de paix, on fera la guerre. Laisse les jacter, c'est tout ce qu'ils peuvent faire, ouais. Validé par la street et le maire, ouais. J'ai toutes les raisons d'insulter, mais mon sourire fera l'affaire, ouais. Pour les crapper et le poster, et qui sont cachés. Les anciens HS, qui t'a fini Rachel. Si t'es en paix, d'où je viens, ouais. Les grandes portes, les anges en main, ouais. Y'aura toujours autant de boucan. Malgré ses frères et ses droits, moi. Big up! KIP Miaouz, KIP Jojo Madden, c'est pour vous les gars. Débrouillard jusqu'à ce commentaire. Dois-je mourir pour que les miens se rassemblent? Le temps passe, j'attends mon heure. Ouais, ouais. J'suis la réussite de mes ennemis, même si mon malheur fera leur bonheur. J'suis le vécu de tous mes amis. J'pense à eux que Dieu les préserve. Toujours les glos en ce qu'ils me concernent. Garde dans le cœur tout ce qu'ils me concernent. J'suis comme j'suis. Change aucune logique devant n'importe quel commentaire. Faut que j'agisse dans le game comme auteur. Débrouillard jusqu'à ce commentaire. Yes. C'est La Nocturne avec Bratso, contrôle de La Nocturne. Son projet est dans les bacs, digitalement dans les bacs. Artiste volume 2. On peut aller cliquer tout de suite, hein, si vous voulez récupérer Bratso. Allez-y, toi, tu disais tout à l'heure justement que t'as commencé très tôt. C'est qui t'a plongé dans le rap? C'est quoi, des grands frères? Ouais, mon grand frère est rappé. Ouais. C'est sûr que ça m'a influencé. Même les grands de chez moi, tu vois. C'est une ville de rappeurs, tu vois, d'où je viens. Et bah voilà, c'est les grands. Voilà. T'écoutais quoi, toi? J'écoutais qui t'a ce que bercé. J'allais dire, tu vois. J'allais partir sur mes influences, tu vois. J'étais plus sur du Booba. Sur du Rof, tu vois, comme tout le monde. Aussi, mais surtout sur du Salive, du Six. Voilà. C'est plutôt. C'est les quatre qui m'ont le plus parlé. C'est ceux qui t'ont le plus parlé. Ouais. Un peu de rapricain ou pas trop? T'es plus rap français, toi? Rapricain, mais plus. Je me suis pas trop penché sur la nouvelle vague, tu vois, mais. Tout ce qui est trap, machin. Voilà, ça me parle pas trop, mais. Enfin, on a essayé, tu vois. On a fait certifié 9-5. Ouais, ça, c'est un peu trap. C'est moi qui ai fait la prod. Ouais, c'est le morceau qu'on a écouté tout à l'heure, ouais. Mais il y a que celui-là qui parle un peu à cette vague. Mais sinon, c'est plus du Eminem. Tu vois, c'est. Ah ouais, c'est toi, Eminem. Ah ouais, du Tupac surtout. Tu vois, c'est Tupac, les, ouais. Les vrais, tu vois, les vrais. Grosse référence. Ah oui. Bon, Bratsou, pour te suivre, on fait comment? S'il y a des gens qui veulent te suivre aussi, je suppose que toi, tu fais partie des générations où tu balances des freestyles. Ah oui, tout le temps. Tout le temps. Donc, sur la page Facebook, Bratso officiel. Et Twitter, pareil, Bratso officiel. C'est B-R-A-T-S-O. Débrouille artiste, volume 2. C'est dans les bacs. On repart sur quoi comme morceau, Bratso, avant de passer au live dans une grosse dizaine de minutes maintenant? On va envoyer Decker. Decker? Non. On va envoyer Je garde la tête. Celui-là, il me parle. J'ai envie de l'envoyer, celui-là. On l'envoie tout de suite? Yes. Allez. Bratso au contrôle de la nocturne, 100% rap français. Big up à Zivka, mon gars, beatmaker du 9-5. Pour la prod, c'est du lourd, gros. Lâche rien. Instinct débrouillard, je traîne dans le noir, nostalgie dans le regard. Sourire à l'égard de tout ce qui les gars, incompris, tel une pulcra. Impoli, inconscient, on comprend, on cautionne pas, non. Jeunesse isolée, la déconne, je représente ce que les autres mentionnent pas. J'avance chanceux comme un poissard, oh. Je crois pas aux accidents ni au hasard. La plupart de mes amis transformés en bâtards, ils sont morts, enfermés, éloignés les trois quarts. Non, j'ai pas le temps de changer d'avis, je me prends la tête sur toutes mes envies. Que toutes les mauvaises pensées s'enfuient, mon objectif c'est de changer ma vie. Seul, égaré sur ma route vu que j'ai suivi trop d'aveugles. Mais toute erreur se répare, malgré chaque vis qui démeuble. 3 JD excité pour me taser, esprit solide mais le cœur est cassé. Trahi par les miens, mais au fond je regrette rien, ça m'apprendra d'avoir serré des mains de bras cassés. Bras sur ma main. Ouais je garde la tête, la route est longue, ouais mais je garde la tête. Je marche seul, je cherche le calme, éloigné de tous ces moments bloqués dans ma tête. Je garde la tête et puis je garde la foi, du bon du mauvais au cœur ma voix. J'ai des potes au placard, des potes qui sont morts, cette peine au fond de moi qui fait que je me laisse aller. Laisse aller, rien d'autre. J'pense à rien d'autre à pas m'barrer. D'ici la tête pleine de soucis, j'rêve de m'en aller. Rien d'autre, j'pense à rien d'autre à pas m'barrer. D'ici la tête pleine de soucis, j'rêve de m'en aller. J'ai de la peine pour les miens, ceux qu'on enterre, qu'on regrette demain. J'suis sans issue, mais j'suis sur mon chemin. Incompris, mais conscient quand le mauvais, je l'enfreins. J'rêve de m'en aller. Soulagé et serein, hésite entre le mal et le bien. Le quartier dans le cœur, mais l'esprit voit plus loin. Wesh, l'ancien, sache qu'on est pas si bête. On te le montre pas, mais on en a dans la tête. Y'a pas que les keufs, y'a l'avenir qui nous guette. On y vit, mais compte pas y mourir à la tête. On garde la tête, puis on se laisse aller. À la moindre déception. Sans amour, le cœur en location. La fumette, l'alcool comme addiction. J'avance, chanceux comme un voisin. J'crois pas aux accidents ni au hasard. La plupart de mes amis transformés en bâtards. Ils sont morts, enfermés, éloignés les trois quarts. Non, j'ai pas le temps de changer d'avis. J'me prends la tête sur toutes mes envies. Que toutes les mauvaises pensées s'enfuient. Mon objectif c'est de changer ma vie. J'me sers du don que j'ai, j'garde la foi. Du bon, du mauvais au cœur de ma voix. La réussite est lointaine, mais on y croit. Triste vie amère, mais on y voit. On est bon qu'à monter, couler. C'est pour ça qu'on restera dans les échos. Attitude nerveux, coule les épaules. Garde la tête haute et sur les épaules. Bras sur ma main. Ouais, je garde la tête. La route est longue, ouais, mais je garde la tête. Je marche seul, je cherche le calme. Éloigné de tous ces moments bloqués dans ma tête. Je garde la tête et puis je garde la foi. Du bon, du mauvais au cœur de ma voix. J'ai des potes au placard, des potes qui sont morts. Cette peine au fond de moi qui fait que je me laisse aller. Laisse aller. Rien d'autre, rien, je pense à rien d'autre à pas m'barrer. D'ici la tête pleine de soucis, je rêve de m'en aller. Rien d'autre, je pense à rien d'autre à pas m'barrer. D'ici la tête pleine de soucis, je rêve de m'en aller. Rien d'autre, je pense à rien d'autre à pas m'barrer. D'ici la tête pleine de soucis, je rêve de m'en aller. Rien d'autre, je pense à rien d'autre à pas m'barrer. D'ici la tête pleine de soucis, je rêve de m'en aller. Laisse aller. Rien d'autre. 100% rap français, planète. La nocturne. Moi-même à la prod, dispersé. Ça se passe sur Sky. What's on my mind? La peur me rend plus dangereux. Beaucoup de mon mise, mais je suis sûr de moi, je me vengerai. Dans mon historique, toujours à la hauteur de mes prises de risque. 1. J'observe la lune et je me contiens. Toutes mes nuits sont sans lendemain. Autour de moi, ouais, tout va mal, mais je me sens bien. Même sans rien, j'ai tout pour moi. Le peu que je demande, je le dois. Souriant, dépressif, j'ignore les sons. Et je crois en moi. C'est le temps qui exige. Les peines qui infligent, les haines qui agissent. Guidé par des aveugles, tous nos espoirs se dévisent. Les sentiments dispersés par la vie, le gouffre m'éclaircit. On avance quand je suis temps, on souffre, on se livre. On souffre sans merci. Découragé, mais je me maintiens comme si je m'épuisais pour rien. Comme si tout ce que je faisais en fait n'aboutissait à rien. Je dois bâtir un avenir, j'ai le chantier rempli de crues. Faire mon temps à écouter ces cons qui mentent plus dans leur son que dans leur vue. Moi j'étais, je creuse mon trou, mais ma fierté veut me pousser. L'amour prend toujours le dessus. Je suis galant, je la laisse passer. Jeunesse isolée, perdu dans toutes ces complications. Aucune de mes erreurs dépasse mon éducation. Hein. On refera le monde avec nos souhaits, puis on le démolira en venant à la réalité. La confiance timide, dispersée sont toutes mes émotions. Personne me calcule, rien à foutre tant que j'ai mon son. J'ai marché loin sans me retourner. J'ai trébuché mais je me suis relevé. Mes actes et mes mots entre sont dispersés. Parce que je savais plus où aller. La peur me rend plus dangereux. Mais je suis sûr de moi, je me vengerai. Quelques ratures dans mon historique. Toujours à la hauteur de mes prises de risque. Je me suis dispersé. Dans le rap, je suis un prématuré. Mais la question c'est de savoir qui de près me tuera. Celle-là c'est pour en bas. J'ai vu des équipes dispersées pour des histoires et des embrouilles que même ne comprennent toujours pas. En moi tous dispersent comme une thèse à cause de la drogue, comme des frères à cause du pote. Marche seul, solidaire, nique sa mère. Trop gentil, trop con, mais on n'obtient rien par hasard. Être généreux ça ne paye pas. Ce qui vient du cœur et sans retour. Même si une palette ça ne l'est pas. L'amour n'est qu'un simple détour. Son raccourci ne mène qu'un tour ou à la ligne de départ. J'ai perdu trop de potes, un cadenas dans mon cœur. J'ai donné trop de codes, fais tomber trop de corps. Ça m'apprendra peut-être d'ouvrir trop de portes. Assourdi par les cris, plongé dans le remords. Noyé dans les larmes, la darune. Hors de moi à chaque mesure, proche de l'enfer à chaque parole. J'ai le bien et mal qui me complète. Esprit appuyé entre une fleur et une détente. Dur à cerner, trop fier pour me lamenter, teasé pour me détendre. À travers mes erreurs, je n'ai pas cherché de plan. Déçu du cœur de l'homme, à trop être vrai, je suis étrange. Connais du monde, mais je marche seul, pas comme c'est lâche. Je me sens seul quand je tourne mes pages, mais ma musique me soulage. J'ai peur de me perdre, que tes épreuves me relâchent. Quand les bonnes pensées sont étroites, que faire à part prendre le large. Ré. J'ai marché loin sans me retourner. J'ai trébuché mais je me suis relevé. Mes actes et mes mots entre sont dispersés. Parce que je savais plus où aller. La peur me rend plus dangereux. Beaucoup de mon mise, mais je suis sûr de moi je me vengerai. Quelques ratures dans mon historique. Toujours à la hauteur de mes prises de risque. Je me suis dispersé. J'ai marché loin sans me retourner. J'ai trébuché mais je me suis relevé. Mes actes et mes mots trop sont dispersés. Parce que je savais plus où aller. La peur me rend plus dangereux. Beaucoup de mon mise, mais je suis sûr que moi je me vengerai. Quelques ratures dans mon historique. Toujours à la hauteur de mes prises de risque. Je me suis dispersé. La peur me rend plus dangereux. Beaucoup de mon mise, mais je suis sûr que moi je me vengerai. Vengerai. La peur me rend plus dangereux. Beaucoup de mon mise, ouais, je suis sûr de moi, je me vengerai. Je me suis dispersé. La peur me rend plus dangereux. Beaucoup de mon mise, mais je suis sûr de moi, je me vengerai. Okay. La peur me rend plus dangereux. Je me suis dispersé. Mon mise, mais je suis sûr de moi, je me vengerai. Okay. Pour toutes ces équipes dispersées, ces amis que tu vois plus, toutes ces personnes qui du jour au lendemain ont disparu, sans vrai réseau. Pour tous les quartiers dispersés, fuck ces fausses amitiés dissimulées dans le mensonge, dans la trahison. Passons, on vaut plus que ça. Matériel, l'oseille, dans notre cœur, on porte rien de ça. One life. One life, bro. Planète rap, 100%. Explicit lyrics. Ouais, ouais. Ouais, y'a quelqu'un dans le studio ou quoi là? Nadjer? Ah ouais, il est tard lui. Ali, t'es là ou quoi? Ouais, gros, vas-y, reste tranquille, on arrive là, on arrive. Mais vas-y, arrête tes conneries, bosse, charbonne un peu là. Eh, vas-y, rappe comme personne, gros. Pourquoi autant de lourdeur? dans un ces petits corps, je les vexe et les blesse trop. Les stress ouais les baisse, on s'arrête pas tant que la concurrence encaisse gros. Je lâcherai pas tant que je suis encore en vie, je n'y crée tout pas en vie. Ouais t'étonne pas, c'est le type pas en vrille, partout s'gratesse. Ils savent la représente mieux que ouais ouais. Je pas comme un petit, trop bien comme une condie, partout comme un Audi. Ouais trop d'anciens m'ont dit, travaille ton rap là, est-ce qu'ils aiment tous faire enculer. C'est crapule que tu calcules, te font enculer. Des fois tu manchettes pas, à croire qu'on les guette pas. Réfléchis, n'y pas ta vie pour juste le cas, tu dépenseras même pas. Le seul bon de la thèse, qui aurait imaginé que tu la portes. La jalousie t'en veut parce qu'elle aurait kiffé que tu la portes, gros. Faut savoir où aller, chacun sa part, mets-toi les cartes. Des envieux, des parler, sans protéger, tiens en Barclay. Y'a que le diable qui mange seul, une serrure sans ma confiance. Mon meilleur pote, c'est personne. Oh. Attitude nerveuse, solidaire, peur de personne. Aucune haine, tant que tu me considères comme une personne. On est l'air en personne. En personne. À part nous, c'est personne. À part nous, c'est personne. Sur Sky, gros. Sidéré par tellement de choses, gros, cette terre sous. Repartirai comme je suis venu pour ton commentaire seul. À part nous, c'est personne. Oh, elle est en personne. B-R-A-T-S-O. Du mal à rester droit, on zigzag, mais on tombe pas. Compte-toi, bon, et pour être sûr que tu trompes pas. Y'a que si t'es vrai que tu pourras te sentir concerné. Tout niquer, je me permets. Je me sens sécurisé que quand je suis prosterné. Ils ont tous les mêmes punch, fallait que je me différencie. Deux, je vous témoins tous de haut sur mon CD. C'est pas la même férocité. TL95 à la parole. Vu que les mêmes font trop la diff, ton DH le traumatise. Quelques petits pays des belles chèques là, je crois qu'ils aiment trop la tiss. Prends le mic comme un chèque là, et chaque phrase en guise de bouteille dure pas de pisse. Praxoma, il mène pisse. Pour les nôtres, le son glisse. Les têtes bougent, les cœurs agissent sur les nôtres. Pour la monnaie constante, mentalité instable. On règle nos comptes quand il le faut. Passe par nos vies sur Insta. C'est pour GG Casta. C'est d'obliger Masta. Quelques erreurs, beaucoup de regrets. Seul Dieu peut me juger, basta. Oh, solidaire, peur de personne. Aucune haine, tant que tu me considères comme une personne. OLR en personne. En personne. À part nous, c'est personne. À part nous, c'est personne. Sidéré par tellement de choses. On s'est perso. Repartirai comme je suis venu pour ton commentaire seul. À part nous, c'est personne. À part nous, c'est personne. OLR en personne. B-R-A-T-S-O. B-R-A-T-S-O. Le gros son qui résonne. La concu frissonne. Gros, j'arrive comme personne. J'ai baissé ma cité en personne. Dis-moi pourquoi. Chercher. À part nous, c'est personne. B-R-A-T-S-O. Le gros son qui résonne. La concu frissonne. Gros, j'arrive comme personne. Tu peux pas tester. Ou LR en personne. Tous ces commentaires saoulent. Je repartirai quand je venais pour ton commentaire. Attitude nerveuse solitaire, peur de personne. Aucune haine tant que tu me considères comme une personne. Ou LR en personne. Yeah. À part nous c'est personne. Ou LR dans la maison. Sidéré par tellement de choses. Sur cette terre saoule. Repartirai comme je suis venu pour ton commentaire seul. À part nous c'est personne. À part nous c'est personne. Ou LR en personne. B-R-A-T-S-O. Yeah. La Nocturne avec Bratzo, Débrouillardise volume 2. On peut le trouver, on peut aller le pécho maintenant. N'hésitez pas à aller cliquer et retrouver Bratzo. Tu m'as l'air bien chaud toi Bratzo là. Ah oui, bouillant, bouillant. J'ai l'impression que la voix s'est bien chauffée pendant les morceaux qu'on a passés. Yes, yes. Est-ce qu'on va pouvoir attaquer ce gros live que tu nous as promis là tout à l'heure? Bah vas-y, on y va. On y va, on attaque. Ouais. Session live maintenant dans La Nocturne. Nous envoyez des messages avec le hashtag Bratzo, le hashtag Bratzo sur Skyrock. Ça arrive direct dans le studio. Grosse session freestyle. Coup d'envoi. Yes. Allez. C'est parti. What's up my man? Ça se passe sur Skyrock gros. Les boys artistes volume 2. Freestyle 1. Laisse nous faire les choses. 9-5. Certifié depuis le bac à sable. L'époque on était tous insortables. Putain de mentalité instable. Je n'ai que des punchs dans mon cartable. Un bab tout qui sort du bloc. Comme un loup lâché dans l'enclos. J'ai cette question qui me taraude. Est-ce que mes ennemis ont assez dans le froc? J'écoute des grosses prods. Rien à foutre du game. Et si je fais tout ça, crois-moi, c'est pas pour des gemmes. Et surtout pas pour des chaînes. J'ai pas qu'à faire ça pour canaliser mes nerfs et pour esquiver l'échec. Une petite dégaine, une petite dégaine. Négligé quand je rentre sur scène. Et soulagé quand le public saigne. Ils me demandent tous à la fin si je suis ciné. Je t'aiderai peut-être à le ramasser. Si ton petit cœur je l'ai cassé. Faux frère, je suis débarrassé. Trop de bâtards j'ai dédicacé. J'en aura jamais assez. Assez. Mais j'ai de quoi t'en faire des ce que dit. Entièrement fier de mon passé, je n'ai que 17 piges et je te le dis, ouais, je te le dis moi. Pendant qu'ils se prennent la tête à rapper pour le style, juste à la recherche d'un adversaire de taille. Yeah. Je n'ai pas besoin de fiches, j'ai juste besoin de mailles. Bratzo, j'ai pas besoin d'un si, j'ai juste besoin d'un mail. Laisse-nous faire les deux choses, progresse, on est trinqué pour mes rivaux. Oh bébé, R-A-T-S-O, compare pas ces cailles à studio. Pareil que ces petits PD veulent de la trappe. Si t'en as pas assez, plains-toi, hop. Si je prends le mic, c'est pour faire du rap. Je rappe pas comme un petit, j'ai des rides dans le crâne. J'accélère, va le game en panne. Parfois je me demande qui peut m'arrêter. Même l'ingé ne peut pas hésiter. Barreau, j'ai pas de fond, mais j'ai des idées. Ouais, c'est décidé. J'arrive, j'en ai rien à foutre de la manière. My man, Goussainville, 95 sur la bannière. Pratier. pendant qu'ils se prennent la tête à rapper pour le style. Pour le style. J'suis juste à la recherche d'un adversaire de taille. Serre de taille. J'ai pas besoin de filles, j'ai juste besoin de mailles. Besoin de mailles. J'ai pas besoin d'un psy, j'ai juste besoin d'un okay. mailles. Hey. Coussinville. Qu'ils se prennent la tête à rapper pour le style. Garce Arsène. Gonesse. JCR, Argenteuil, et tout le reste, tout 9-5 gros, laisse nous faire les choses. Yeah. Certifié 9-5, vous savez. C'est pour Nané qui est dans la place. C'est comment gros? R-A-D-S-O. GG, c'est ici frérot. Ah. Je garde la tête. Instinct débrouillard, je traîne dans le noir, nostalgie dans le regard. Sourire à l'écart de tout ce qui est l'égard, incompris, tel une pulcra. Un poli inconscient, on comprend, on cautionne pas. Jeunesse isolée, la déconne, je représente ce que les autres mentionnent pas. J'avance chanceux comme un poissard, je crois pas aux accidents ni au hasard. La plupart de mes amis transformés en bâtards, ils sont morts, enfermés, éloignés des trois quarts. Non, j'ai pas le temps de changer d'avis, je me prends la tête sur toutes mes envies. Que toutes les mauvaises pensées s'enfuient, mon objectif c'est changer ma vie. Seul, égaré sur ma route vu que j'ai suivi trop d'aveugles. Mais toute erreur se répare, malgré chaque vis qui démeuble. 3 JT excité pour me caser. Esprit solide mais le cœur est cassé. Trahi par les miens mais au fond je regrette rien. Ça m'apprendra d'avoir serré des mains de bras cassés. Bras sous my mail. Ouais je garde la tête. Oh, la route est longue. Ouais mais je garde la tête. Je marche. Ouais je dis ça. Big up pour la preuve. Tous ces moments tombés dans ma tête. Je garde la tête et puis je garde la foi. Du bon du mauvais au cœur de ma foi. J'ai des potes au placard. Des potes qui sont morts. Cette peine au fond de moi qui fait que je me laisse aller. Laisse aller, rien d'autre. Je pense à rien d'autre à pas me barrer. D'ici la tête pleine de soucis, je rêve de m'en aller. M'en aller, rien d'autre. Je pense à rien d'autre à pas me barrer. D'ici la tête pleine de soucis, je rêve de m'en aller. J'ai de la peine pour les miens, ceux qu'on enterre, qu'on regrette demain. Je suis sans issue, mais je suis sur mon chemin. Incompris, mais conscient quand le mauvais, je l'enfreins. Je rêve de m'en aller, soulagé et serein. Hésite entre le mal et le bien, le quartier dans le cœur, mais l'esprit voit plus loin. Wesh, l'ancien, sache qu'on n'est pas si bête. On te le montre pas, mais on en a dans la tête. Y'a pas que les keufs, y'a l'avenir qui nous guette. On y vit, mais compte pas y mourir à la thèse. On garde la tête. Puis on se laisse aller. À la moindre déception, sans amour, le cœur en location. La fumette, l'alcool comme addiction. J'avance, chanceux comme un voisin. J'crois pas aux accidents ni au hasard. La plupart de mes amis transformés en bâtards. Ils sont morts, enfermés, éloignés des trois quarts. Non, j'ai pas le temps de changer d'avis. J'me prends la tête sur toutes mes envies. Que toutes les mauvaises pensées s'enfuient. Mon objectif c'est changer ma vie. J'me sers du danger, j'garde la voix. Du bon, du mauvais au cœur de ma voix. La réussite est lointaine, mais on y croit. Triste vie amère, mais on y croit. On est bon qu'à monter, couler, c'est pour ça qu'on restera dans les échos. Attitude nerveux, couler les épaules. Garde la tête haute et sur les épaules, bras sur my man. Ouais je garde la tête, la route est longue. Ouais mais je garde la tête. Je marche seul, je cherche le calme. Éloigné de tous ces moments bloqués dans ma tête. Je garde la tête et puis je garde la foi. Du bon du mauvais au cœur de ma voix. J'ai des portes au placard, des portes qui sont morts. Cette peine au fond de moi qui fait que je me laisse aller. Laisse aller. Rien d'autre, je pense à rien d'autre à pas me barrer. D'ici la tête pleine de soucis, je rêve de m'en aller. M'en aller. Rien d'autre, je pense à un d'autre à pas me barrer. D'ici la tête pleine de soucis, je rêve de m'en aller. M'en aller. Rien d'autre, je pense à un d'autre à pas me barrer. D'ici la tête pleine de soucis, je rêve de m'en aller. Le hashtag Bratsou sur Skyrock. Pour tous les tweetos, rien d'autre, ça se passe ici, vous. La tête pleine de soucis, je rêve de m'en aller. Eh, laisse aller. Certifié 9-5, gros. 9-5, vous savez. Bratsou énervé à la DKR. Bratsou énervé à la DKR. Bratsou my man. C'est pour Trixma, celle-là, gros. À la DKR, gros. Big up pour la prod, c'est du lourd. Coup de ça, gros. Moussaville, 95. Retour explosif. Je l'avais dit que je repasserais un de ces quatre. Pas type pété qui prime. Salut qui déprime, je dévoile mes formes que sur des rimes plates. Ça fait un moment que je suis au taquet. Sur un bon prêt à craquer. J'ai pas encore dégusté ma barre. On ose déjà me demander de faire croquer. Ce qui fait l'homme, c'est la tête et le coup de frein. J'accélère pas le temps pour les coups de frein. Attitude de bonhomme, débrouillard. On est plus des branleurs, on garde ton coup de main. Dans mes positions, je suis seul et fier. Je suis son père, je suis sévère. À la blague, il déguerre. Ambitieux à l'instinct précaire. Ma peau énervée, vraiment déguerre. Mais sans délire. Par ces scènes du passé qui m'enchaînent et me gênent et me bloquent et m'enchaînent. Tu retenu. Par mes peines et mes haines et mes gênes et mes chaînes. Rien ne m'achète, y'a pas de qu'on se gratte les veines. Nos blèmes ne valent. Une peine, on est tous des vrais hommes. Gros seum, gros seum, pas des grosses sommes. Trop d'ennemis, celui qui veut trouver ma peau a déjà serré ma peau, mais croquer ma pomme. Pas les couilles du game, j'ai coup 2-3 guettes et des prods. Même sans pote, on les stop. Même tout que sont les glaces, c'est des stocks. Partout dans les packs, tous les vrais, dans les stores, j'marche seul comme un vrai. Ton rappeur n'est qu'une merde, pour les stocks. Qui veut ma tête? C'est ça, l'on veut ma tête. L'hypocrisie mentait. Il mentait. Quand y'a des soucis, c'est maman qui s'inquiète. Qui manquait, le ciel me guette. J'assume ma tête, j'l'accepte, la monnaie que le tout manquait. Envie de qu'il crape, pour ceux qu'on isole. Et jamais qu'on désole, à qui de compter ça l'est. BRTSO, OLR, à la déguerre. J'suis pas né pour me laisser faire. Il reste les fenêtres, si les portes se ferment. Oh, ambitieux à l'instant précaire. Énervé comme un déguerre. Je marche sous Hello, qui veut ma tête? J'y vais ma vie, c'est solo, veulent ma tête. Des fois je traîne seul, hypocrisie mentale. Des pensées de haine, jalousie m'entête. Quand y'a des soucis, c'est maman qui s'inquiète. Rien à foutre de ces inconnus qui m'enquêtent. Le ciel me guette, j'assume ma tête, j'l'accepte, la monnaie que de. Oh, on n'a pas la même dalle, comportement instable. Pour de la force, c'est des grosses couilles pour nous, frère. À 16 piges, on a déjà la mentale. On a plus de vécu que de des frères aînés. Le RAP en sang, glow. Dégoûté d'avoir écouté des mythes en perso. Tous ceux qui sortent de ma bouche, me ressemblent. Trop dans le game, crois qu'ils en ont ramené un. Franchement, l'un des seuls plans de ma thèse, l'un des seuls vrais. À une époque prête, la musique est l'un des seuls plans de ma dèche. Je crois qu'on est plus de sang dans ma tête. Dans ma tête, c'est le désordre entre le jean et son monde ingrat. Ma crité de mes pères, le temps me rattrapera. Défendu par mes frères, mais l'un de m'attaquera. Et qui est l'empereur de ma catégorie. Quand on parle le plus calme, énervé. Petit beau gosse peut devenir pourri. Les guichons qui éclatent les gouris. C'est pourri. Jusqu'à qu'on faire perdre ton sang froid si tu sens chaud. Mais bien par l'eau, je me défendrai même face à un manchot. Bras qui veut ma tête, tout le monde sur Sky veulent ma tête. L'hypocrisie mentait, la jalousie mentait. C'est maman qui s'inquiète. Qui manquait, le ciel me guette. J'assume ma tête, j'l'accepte. La monnaie qu'elle le coûte, envie de qu'elle écrase. Et jamais qu'on désole à qui le compte est salé. OLR, j'suis pas né pour me laisser faire. Il reste les fenêtres si les portes se ferment. Ambitieux à l'instant précaire. Bap tout énervé, ramène des guerres. Ré. Demain c'est maintenant gros. B-R-A-D-S-O. Fais ton taf. O-L-R. Prends pas la tête sur ce que les autres font. On fait un. Bras tous ceux qui ont des projets, tous ceux qui charbonnent, tous ceux qui bossent. Volume 2. Faites les choses. Demain c'est maintenant. Un. Bratso, débrouille artiste. Encore Trixma qui a fait cette lourdeur. Big up. Conscient que la vie me guette depuis la naissance. Je me suis remis de mes défaites, je suis en convalescence. La mise soit là devant mes échecs comme portant mes chances. Et dis-toi qu'on se doit aucune dette mais une reconnaissance. On cherche notre clé, puis la money money n'achète pas notre temps. Mais ouvre les portes qui nous conditionnent à s'enfermer. Quand le malheur t'escorte, toujours de se positionner. On trouve aucune issue à part le fait de pouvoir s'isoler. Le temps passe, mes cartes m'éclatent. Tout est perdu d'avance quand je regarde mes cartes. Insomniaque, dû à ce que la nuit me déclare, déclare. Mes amis fouteux sont partis en une latte, deux lattes. Frère, on vient franchir le cap. Si tu veux gagner, mets sur WAM. Tous le même objectif, avancer et partir loin. La vie ne te dira pas bienvenue. Demain c'est maintenant, regarde ton passé. Faut que tu fasses mieux. Jeune ambitieux comme dans Blue Eye l'avenue. Plongé dans le passé, rescapé de tous ces moments. Victime du temps perdu, nostalgique, on compte les instants. C'est malheureux de se dire que tout ça n'a duré qu'un temps. Noyé dans nos pensées, le temps passe vite. Demain c'est maintenant. Replongé dans le passé, rescapé de tous ces moments. Victime du temps perdu, nostalgique, on compte les instants. C'est malheureux de se dire que tout ça n'a duré qu'un temps. Noyé dans nos pensées, le temps passe vite. Demain c'est maintenant. Je collectionne les secondes, toutes ces choses de la vie qui alimentent mes ondes. Toutes ces choses qui font que je brille malgré le poids de mon ombre. Le sourire de ma vie de famille, je regrette ce temps passé au poste, à salaire son nom. Couvert de blessures, nos souvenirs et nos regrets nous désactent. Nos émotions nous désarment, le temps nous presse. On grandit vite, les anciens le savent, ils mettent l'engrais. Barre de ses refus, ses portes fermées, on force l'entrée. Pour ça que je bosse des putains de CD. Ouais, faut que je bosse, que je fasse plaisir à la mif qui ait des diplômes sur putain de CV. Tu sais que le shit à nous bosse, mais faut pas céder. On garde la foi trois quarts notre temps. Être incité. On a grandi ensemble, on s'est connu plus que gamin. Aujourd'hui on hésiterait même à serrer la main. Je veux pas finir comme ces vieux grands. Je commence à creuser mon trou, faire mes valises, chercher mon plan. Vu demain c'est maintenant. De tous ces moments, victime du temps perdu, nostalgique, qu'on compte les instants. C'est malheureux de se dire que tout cela n'a duré qu'un temps. Noyé dans nos pensées, le temps passe vite. Demain c'est maintenant. Replongé dans le passé, rescapé de tous ces moments. Victime du temps perdu, nostalgique, qu'on compte les instants. Les instants, se dire que tout cela n'a duré qu'un temps. C'est le temps passé, demain c'est maintenant. C'est le temps passé, rescapé de tous ces moments. Victime du temps perdu, nostalgique, on compte les instants. C'est malheureux de se dire que tout ça n'a duré qu'un temps. Noyé dans nos pensées, le temps passe vite, demain c'est maintenant. Replongé dans le passé, rescapé de tous ces moments. Sur Skyrock, victime du temps perdu, nostalgique, on compte les instants. C'est malheureux de se dire que tout ça n'a duré qu'un temps. Noyé dans nos pensées, le temps passe vite, demain c'est maintenant. Brax au Malmen sur Skyrock. Et Tonton Hako qui est présent. Normal. Poussinville 95. Ré, vers la sec. C'est pour les nôtres. Ouh, celle-là c'est pour tous les bourreaux. Neneuil, Jojo, Madden, c'est hypé gros. GG, Neneuil, c'est pour vous ça. Ok, oh. Braccio, braccio. J'ouvre le bal, faut que j'arrive, je suis trop chaud. Monsieur exilé à l'eau pour venir sur les projets. Wesh le gay, wesh le gay. Il va me casser les couilles, j'suis dans ma net plat. J'ai envoyé ta relève, allez chercher une net. Ouais, laisse la base, qui est au huton dans la classe. On dit de tri, on dit tasse. Viens piquer si t'as l'audace. Ils font les deux spies, on les casse. Le courant ne passe pas, on les tasse. J'remplace, t'écrase malgré la différence de gars. Braccio, main humaine, le seul petit blanc sur la photo de classe. Toujours dit, t'es qu'un maigrichon qui prend trop de place. J'suis pas un petit, j'lance pas de pique, j'te le dis si j't'aime pas. J'accélère. Parce que la vie ne me freine pas. 6.3 dans le club, niqué dans le club, niqué, niqué dans le club. Neneuil et GG sont broliqués dans les clubs, niqué dans le club, niqué dans le club. La relève chie dans son froc, nourri par mon gros seul. My man, j'ai les gros, le seum du micro, pas des gros seuls. La relève chie dans son froc, nourri par mon gros seul. My man, j'ai les gros, le seum du micro, pas des gros seuls. Mon grand mal en paix est broliqué dans le club, niqué dans le club, niqué, niqué dans le club. Neneuil et GG sont broliqués dans le club, broliqués sur le club. Oh, la relève chie dans son froc, nourri par mon gros seul. My man, j'ai les gros, le seum du micro, pas les gros seuls. La relève chie dans son froc, ouais, ouais, elle chie dans son froc, gros. My man, j'ai les gros, le seum du micro, pas les gros seuls. Oh, ok, je viens d'en bas, les vrais sont derrière moi. Le 9-5, ma vie bébé, la street validée le premier mois. Je me prétends pas pour un relais, je suis juste une autre voix. Les vrais m'ont dit, reste en même trace ta route en 6.3. Non, t'achètes pas mon honneur, même si t'es warren ou marraine, même marraine. Seul et fier dans la reine, quand ben l'ADN. J'en ai plus rien à péter, n'est pas la haine. Chante ta scène, même sans avoir répété. Il était temps que je prenne ma djerna, on avait ma paillée. Big up Nadjé, j'en avais marre, voir tous ces rappeurs ma caillée. Mon frère Ibrahim, toute la team, fais péter le son. Fuck la voisine, ouais, ouvre les vitres, réveille la ville. Fini rap, blindé de balles ou blindé de mind, vas-y, casse-toi. Je rêve pas SDF, les j'tards me logeront s'il y a pas toi. Les anciens m'ont dit, pas toi. Ce game y'a beaucoup de rancœur, ta piste la rage. Mais fais quand même gaffe à toi. Yeah. Ça se passe sur Skyrock, gros. On lâche pas, on lâche rien. 95. 1, 9, 5. Pour tout le 9, 5. C'est tout le 9, 5. On perd la C. Vous servez. Braccio, my man. Braccio, my man. Le cœur qui bat comme un sac de frappe. J'ai la dalle, MC, mes filles, toi. Mental solide, team radical. Bonhomme, l'instable, mes droits. Parce que je suis bon comme débrouiller. Tirer sur ce que je peux viser. Je m'isole, je me sens mieux dans du bruit. Avec le sommeil pour me tranquilliser. Sur la chatte, à Murano. Cette année, c'est la nôtre, viens pas nier. Qui veut ma peau devra venir la prendre avec un maximum d'alliés. Lâche le mic, laisse-moi faire, je te déconseille de rapper après. Laisse un jungle après mon son, poteau. Le concurrent n'est pas prêt. Je suis comme je suis changé. Aucune logique devant n'importe quel commentaire. Faut que j'agisse dans le game comme Oter. Débrouillard jusqu'à ce commentaire. Pour que les miens se rassemblent, le temps passe, j'attends mon heure. J'suis la réussite de mes ennemis. Même si mon mal leur fera leur bonheur. J'ai vécu tous mes amis. Oh, que Dieu les préserve. Oh, ce qui me concerne. Garde dans le cœur tout ce qu'il me concerne. N'importe quel commentaire. Faut que j'agisse dans le game comme Oter. Débrouillard jusqu'à ce commentaire. Oh. Négligé, mais ils ont craqué. Oh, pense à ta défense avant de m'attaquer. Allez, s'entendre, on sera jamais prêt. Essaye d'être remarquable avant de faire remarquer la galère avant le salaire. Oh, Braccio au LR, moi il m'énerve à la déguerre. En temps de fait, on fera la guerre. Laisse les jacter, c'est tout ce qu'ils peuvent faire, ouais. Validé par la street et le maire, ouais. J'ai toutes les raisons d'insulter, mais mon sourire fera l'affaire, ouais. Son c'est pour les graffés postés, ceux qui vivent dans les bêtises en cachette. Ouais, pour tous ces anciens HS, toujours là, quitte à finir HL. Si t'es en paire, d'où je viens, ouais. Les grandes portes, les engins en main, ouais. Y'aura toujours autant de poucans, malgré ses frères et ses tours en moins. Big up! Celle-là, c'est pour toute la vie. On perd la cible. Faut que j'agisse dans le game comme Oter. Débrouillard jusqu'à ce commentaire. Pour que les miens se rassemblent, le temps passe, j'attends mon heure. Je suis la réussite de mes ennemis, même si mon mal leur fera leur bonheur. J'ai vécu tous mes amis, je pense à eux, que Dieu les préserve. Toujours éclo en ce qui me concerne. Garde dans le cœur tout ce qui me concerne. Dieu, n'importe quel commentaire. Faut que j'agisse dans le game comme Oter. Débrouillard jusqu'à ce commentaire. Elle m'a tapé. Oh, en traversant mon passé, mon musique est pleurée en sang jaune gros. Quand les tiennes sont tachées, authentiques depuis le départ. Jamais rien à cacher. Eh ouais gros. C'est pas ma musique, mon trajet. Braccio, my man, j'suis déjà condamné à vivre. À part mon son, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Mes idées sont claires, il reste plus qu'à noircir mes feuilles. Si je garde la foi, j'fais mes prières en pleurant. Je veux pas partir en courant, j'espère à tous en mourant. Car la musique me mange, elle a pris trop place dans mon cœur. C'est mon passement quand je saigne, mais c'est peut-être elle à cause de ma douleur. J'ai pas de train, mais j'avance. Perturbé, j'en perds mes sens. Un peu d'espoir depuis tout, tu cherches mes chances. Elle a fait plaisir à certains, et on a rendu fou d'autres. Ils aiment mon son, mais sinon que j'aille bien en mal, ils s'en foutent. Yeah. C'est la réponse à mes questions, elle additionne mes envies. C'est la seule qui a su montrer que je serais peut-être mieux sans vous. Sans elle, je suis peut-être sans voix. Ce qui est sûr, c'est qu'elle me laisse sans voix. Et où je serais, qui m'écouterait si Dieu m'aurait mis sans voix. J'ai pas le temps, l'avenir me guette. Le passé, le présent m'inquiète. Ali m'appelle, j'oublie tout, faut que j'aille bosser. Quelqu'un m'a guéri. Je peux pas m'enlacer. Sa mélodie me hante en traversant mon passé. Elle fait battre mon cœur quand le tien est touché. Colore mes douleurs quand les tiennes sont tachées. Authentique depuis le départ. Jamais rien à cacher. Yeah. Jusqu'à ce que notre nous sépare. Musique, mon trajet. Ok. Eh ouais. Oh. Les anges s'éloignent de moi quand toutes ces notes me bordent. Elle est vide dans ma poitrine et je prie pour qu'elle en sorte. Elle a pu m'inspirer, m'inspirer. Je suis plus ce petit de la tête qui passe ses nuits à espérer. Je peux respirer, me relever malgré un chaos. Kicker, ouais, kicker, mais c'est respecter le bac au cas où. Parce qu'à ce qui paraît, rappeur, je suis mon casse. Pour depuis la première, j'ai que des mixtapes dans mon cul. Ça. Wesh, prod, wesh, le game, je t'écoute plus. Avant, c'était la rue, maintenant, tu trafiques des vues. Eh ouais. Débrouillard entre artistes. Débrouillard, oh. Mais délaissé, je peux pas m'enlacer. Sa mélodie me hante en traversant mon passé. Elle fait battre mon cœur quand le tien est touché. Colore mes douleurs quand les tiennes sont tachées. Authentique depuis le départ. Les vrais le savent, les vrais le savent. Les vrais le savent. Que notre nous sépare. Ma musique, mon trajet. Ma musique, mon trajet. Oh. Pète ça, mais il faut que ça pète ça. Mais faut tout pète ça. Rapper, rapper, rapper, je suis mon casse ça. Pète ça, mais il faut que ça pète ça. Mais écoute les filles, la première des que 2007. Oh, que ça. Pète ça. Pète ça, rapper, rapper, rapper, je suis bon casse ça. Pète ça, pète ça. Mais au fond depuis la primaire dès que j'ai mis cette bombe que ça. Je peux pas m'enlacer, sa mélodie me hante en traversant mon passé. Elle fait battre mon cœur quand le tien est touché. Colore mes douleurs quand les tiennes sont tachées. Authentique depuis le départ. Jamais rien à cacher, jamais rien à cacher. Jusqu'à ce que notre nous sépare. Ma musique, mon trajet. Oh, débrouille artiste volume 2. Rap comme personne. Eh ouais. Vas-y, rap comme personne, gros. Fred m'a serré la main, il m'a dit rap comme personne. Je lui ai dit, laisse-moi faire, gros. Ok. Ok. Bravo, okay. Man. Mais que, je rappe pas comme un petit, trop bien comme une condie. Partout comme un ondie, ouais, trop d'ancien mondie. Travaille ton rappeur, est-ce qu'ils aillent tous faire enculer. Ces crapules que tu calcules te font reculer. Tes potes fument en chèque, croire qu'on les guette pas. Réfléchis, nique pas ta vie pour 10 chocs, tu dépenseras même pas. Le seul vent de la tête qui aurait imaginé que tu la portes. La jalousie t'en veut parce qu'elle aurait kiffé que tu la portes, gros. Faut savoir où aller, chacun sa part, mets-toi l'écart. Des envieux, des parlers, s'approche des tiens en parquet. Y'a que le diable qui mange seul. Une serrure sur ma confiance, mon meilleur pote c'est personne. Attitude nerveuse solitaire. Peur de personne, aucune haine quand tu me considères comme une personne. Où elle est en personne. Okay. À part nous c'est personne. À part nous c'est personne. Considéré par tellement de choses, gros c'est terre soul. Je repartirai comme je suis venu pour ton commentaire seul. À part nous c'est personne. À part nous c'est personne. Où elle est en personne. Où elle est en personne. Du mal à rester droit on zigzag mais on tombe pas. Crois-toi avant eux pour être sûr que tu trompes pas. Y'a que si t'es vrai que tu pourras te sentir concerné. Tout niquer je me permets. Je me sens sécurisé que quand je suis prosterné. Ils sont tous les mêmes punch, fallait que je me différencie. De je goûte tes mains tous de haut sans mon set. Des pas la même faire aussi. De L95 à la parole. Vu que les mêmes font trop la diff. Ton DH de traumatise. Quelques petits pays des belles chez Clash. J'crois qu'ils aiment trop la tease. Grand mic dans ma chevelure. Et chaque phrase en guise de bouteille d'urban peace. Pratsoma il mène peace. Pour les notes le son glisse. Les têtes bougent, les cœurs agissent. Sur les notes pour la monnaie constante. Mentalité instable. Wine nos comptes quand il le faut. Passe par nos vies sur instinct. C'est pour GG Clash. T'as une casse des dos. Big up GG. Quelques erreurs, beaucoup de regrets. Seul Jeff M. GG basta. Oh yeah. Personne, où elle est en personne, bro. Où elle est dans la maison sur Skype. À part nous c'est personne. Ouais il rappe comme personne. À part nous c'est personne. Ouais, si t'es réparé tellement de choses, gros c'est terre soul. Je repartirai comme je suis venu pour ton commentaire seul. À part nous c'est personne. À part nous c'est personne. Où elle est en personne. B-R-A-T-S-O. Le gros son qui résonne. L'inconcu frissonne. Gros j'arrive comme personne. Celle-là c'est pour GBC. Ma cité en personne. On perd la sick. À part nous c'est personne. Bâtiment c'est. Le gros son qui résonne. L'inconcu frissonne. Gros j'arrive comme personne. Testé ou elle est en personne. Je repartirai comme je suis venu pour ton commentaire. Je suis nerveux solitaire de personne. Aucune haine tant que tu me considères comme une personne. Ou elle est en personne. Ou elle est en personne. À part nous c'est personne. À part nous c'est personne. Sidéré par tellement de choses, gros cette terre saoule. Je repartirai comme je suis venu pour ton commentaire seul. À part nous c'est personne. À part nous c'est personne. Ou elle est en personne. Ou elle est en personne. Celui-là il est pas dans la mixtape mais il est lourd là. Ok. Écoute ça bien gros. en exclu sur Skyrock. Restez Rassou. Branchés. Yeah. Wesh, Dems, ça dit quoi, mon gars? Yeah. Débrouillard, on n'est plus des branleurs, donc garde ton coup de main. Sur le toit de ma tête, avec un haut-parleur, la street m'écoute bien. Je fais pas. J'enchaîne mes sons, mes têtes pour savoir quand. Trop de bif dans leur promo, ce qui fait que leur disque d'or ne coûte rien. Tu connais mon bass, attitude classique, la pose sur toute classe. Seul petit blanc sur la photo de classe, a.k.a. le maigrichon qui prend trop de place. Du sang, de l'audace, je suis sorti du ring. Seul empereur de mon écurie, les MC ne répondent plus, là reste un peu du ring. Au studio, je me sens seul, ils ont fait le featuring, gros. Vas-y, laisse-les, je cogite pas sur tes palafres, mais sur celui qui les a fait. MC doucement sur ton vécu, qu'est-ce qui me dit que tu t'es pas fait baffer? Ferme ta gueule et puis reste calme, tous en même fucking pied. Je suis avec Neneuil en Esnescal, en route vers l'avenir, en RS4, en RS4, nique sa mère, je vais bombre vert, repale ton amour, il m'étouffera. Marche seul jusqu'à te faire, peut-être qu'au fond de toi tu t'y retrouveras. Toi tu veux ma peau, mais arrête, c'est n'importe quoi. Moi c'est depuis la naissance que la mort me traque. Je niquerai tout jusqu'à ce que mon sort me braque, que mon sort me traque. Toi tu blagues, moi je rappe, tout ce qu'ils ne sortiront pas de leur gueule. Je claquerai la porte sans dire un mot, accompagné de rancune et d'orgueil. Toi tu blagues, moi je rappe, tout ce qu'ils ne sortiront pas de leur gueule. Je claquerai la porte sans dire un mot, accompagné de rocliner d'orgueil. Ah, ok, la vie m'a les rats, une poussière. Hey, passe au my man, on exclut. Oh là là, on exclut. J'ai croqué sans attendre qu'on le fasse à ma place, je suis toujours resté debout. Je le répète, certifié de pile, bac à sable, les photos, gardez-les pour vous. Oh, hey. Aïe, aïe, aïe, aïe. Encore un trop. Il est wesh différent. Wesh, game. Je suis différent. Des pro-artistes artistes. Yeah. T'as besoin de soutien, enlève le challenge, ok. Yeah. Laisse-nous faire les choses. My man. On m'a dit t'es un blanc, fais deux fois plus que les autres. On te reconnaîtra plus les étapes que les sautes. On le remarquera vite si tu simules. Rends les fous, faut que tu les choques s'ils te trouvent trop dissimulés. Oh, wesh l'ancien, j'ai pas le temps pour guetter. J'ai un avenir, j'suis né à la tête pour la quitter. Les choses vont mal chez nous, 12 anciens héros, anciens braves. On touchait les roses, c'est grave, c'est plus que des mecs chelous. J'suis pas un enfant gâté, pas non plus un enfant raté. J'suis bâti draturé d'erreurs que la vie ne cesse de me gâter. Pour faire déborder mon vase, il suffit plus qu'une goutte d'eau. J'lasse à la cuisse esquivée, mais j'ai plus rien pour mon dos. Main en l'air, faut allier le galère, nique sa mère, c'est le salaire après la galère. La société un malheur à pas mère, capable de juger, elle vole tout en ayant les salaires. Wesh le game, wesh le game, wesh le game, wesh le game. J'arrive un petit pas vu que vous êtes tous à la traîne. Ils disent que le rap est dead, qu'il a besoin d'aide, il a besoin d'aide. J'arrive, n'oublie pas mon blaze, on va reposer en paix. Wesh le game, wesh le game, wesh le game, wesh le game. J'arrive un petit pas vu que vous êtes tous à la traîne. Ils disent que le rap est dead, qu'il a besoin d'aide. J'arrive, laisse-nous faire les choses. Faut que ça zigzag. Sur ma zig-zig, laisse-moi faire les choses. J'kick après pour les refroidir, laisse-les faire les choses. 17 ans, mais néglige pas, j'en sais beaucoup trop. En me comparant avec des rappeurs plus rock, moi les gens, ça se trouve drôle. Hier, on tâtait tous le foot à la tête. Aujourd'hui, on se désole avec une clope qui nous pousse à la dèche. Rien qui nous pousse à la tête. On écoute les frères Musi, on attend 2-3 minutes pour recommencer à s'amuser. Merde, faut que j'arrête de tweeter mes phrases. Par peur que ton rappeur préféré les places. Oh, Ali m'a dit, faut que tu surpasses. À force d'écouter les autres, tu fais du surplace. Oh, mon son. Tu me te renforces, t'inquiète pas. Les blessures et les larmes te renforcent, m'inquiète pas. Je suis jeune et ambitieux, y'a pas de quoi m'envier. Trop gentil, je donne toujours ma confiance avant de me méfier, méfier. Oh, j'ai vu ma daronne craquer. Même quand rien manquait, le chétan ne cessait de me traquer, ne cessait de me narguer. J'aurais dû la larguer si je savais que c'était juste pour mon rap qui me draguer. Toujours inquiet quand je sors sans le dos. Comme son casque en moto, l'hiver, la glace en manteau. Sans mon rap, comme un teutre sans lâche dans son goût. Faut que je me lâche, pas que me fâche, si l'ennemi attend son tour, dans son tour. Oh, c'est vrai que parfois la ville comment s'apprêter à une trahison quand la mine nous chope, mine nous chope. Oh, j'oublierai pas de vous dire merci, mais j'ai un frigo à remplir avant Bercy. Wesh le game, what's up my man, let's go faire des choses. Oh, ça sera sur Skyrock. Aïe aïe aïe, Broliqué sur Sky. Yeah, on est Broliqué sur Sky. Oh, wesh Haku, c'est comment? Ok, Haku, je te passe le mic, t'as vu? GP. Eh, je vais laisser un peu le truc, quoi. Ok. Yeah. Kicker d'RGP, ouais, je monte en quoi, gros. Ok, ok, vas-y. Hey. Kicker d'RGP, j'ai jamais rappé pour ces merdes. Toujours rappé pour ces pères. Même dans la merde, on se démerde. On se démerde. Avec Roro, même dans la merde, on se démerde. On se démerde. Avec Arsine, même dans la merde, on se démerde. Ne mouille pas trop pour les gens, ils sécheront pas tes larmes. Même les aveugles vont rafaler si le savoir est une arme. Dans mon cœur, c'est le bordel. Bordel. La bête, ah, tu la bête. Pourquoi maman n'est pas éternelle? Comme l'amour j'ai pour elle. Oh, ils font les youf. Laisse-moi tendre tourner ma snap. Hey. Sur ma vie ils tiendront pas 10 secondes. Un peu comme mes snaps. Yeah. Bloc notre chargé de hey, hey. Dis-moi qui va faire le fou. Yeah. New j'ai signé nous dans quelques temps on arrache tout. Brasse au mal. Ratso, my man. Ratso, Ratso, Ratso, my man. Ratso, Ratso, Ratso, my man. Ratso, my man. Ratso, Ratso, my man. Ratso, my man. Ouais, je vis qu'est-ce que c'est sûr. Ouais, c'est comment Louis. Oh, oh, allez, devinez qui revient en face. C'est les cheveux longs, pas la coupe en brosse. Oh. Cesse. Je suis le roi, pas le boss. Coup de crosse, on perd la scie que des sales gosses. Oh. Vin qui est toujours d'attaque. Yeah. J'ai carré la manière, je m'en sers davantage. Yeah. Le monde est indépendant, fallait que tu le saches. Je n'ai pas écrit l'histoire, j'ai tourné la page. Rien à se vendre, mais y'a pas de quoi. La plupart d'entre eux vont finir au placard. Je fais que du son, ne balisez pas. Abattez le roi et ce, avant qu'on ne soit trop tard. Okay. On est passif, faut qu'on le bosse. Okay. Tout ne crois pas tout ce que t'entends. Sache que l'avantage est pédophile, c'est que tout devient je t'en forme. Et là tout je m'amuse et découpé l'instru, je demande rien de plus. Son MC préféré qui zit oui. Au-dessus pour ne pas l'offenser, je lui dis mais ta baisse, hey, quand t'es street, toi ne va pas Hako. Moi tu bing bing comme Serge Seco. Joom c'était des cas in bug. J'envoie tous les autres sur le Teco. Braxo my man, débrouillardiste, 27 octobre dans vos oreilles. Braxo my man, débrouillardiste, 27 octobre dans vos oreilles. Ça fait Braxo, Braxo my man. Braxo, Braxo, my man. Braxo, Braxo, Braxo, my man. My man, Braxo, my man. Braxo, Braxo, my man. Braxo, Braxo, Braxo, my man. Braxo, Braxo, my man. Braxo, my man. Ok, on a fait un petit explore. On repasse le regard. Braxo, my man. Ok, Louis Celt qui carrière RGP. Yeah, son mind. On t'écoute, Saint-Ville. Dans le retour du 9-5, JMR ne quitte pas. Montre le son, respect au vrai que le ministère ne s'inquiète pas. Bref, ça rappe comme personne, je suis seul dans ma cave, gros. Authentique depuis que je rappais avec Rako dans ma cave, gros. Trop vrai pour être aimé par la poisse, je suis entraîné. Les grands chez moi pensent que je fais trop vite, je suis trop têtu pour freiner. Comme un bonhomme, comme un vrai. Fais des peuples sur mon 11, salaud, bouge pas trop la tête, ne t'étouffe pas sur mon 11. Oh, yeah. Le blanc est prêt, t'as du cran, vas-y, teste-le. Par respect, ouais, si tu passes devant la mosquée, baisse-le. Ouais, mon son résonne bien, pas avec les meufs l'écoutent bien, mes anciens n'en reviennent pas. Le petit débrouillisme, tiens l'amitié n'a pas de limite, de toute façon c'est chacun sa loi. On te souhaite longue vie, mais quoi qu'il arrive on se refera sans toi. Chacun ses principes, y'a ceux qui s'attaquent aux plus faibles et s'assoient. D'autres qui n'ont pas besoin de ça, qui tiennent debout sans besoin qu'on le voit. Va dire à ceux qui choisissent leur proie, qu'un jour ou l'autre sont dans l'embarras du choix. La solitude a reconverti une fée qu'endurcir sa voix. Difficile d'écrire je t'aime sans faute de frappe. Blessure à l'intérieur, le cœur qui battait d'un sac de frappe. Assis sur mes remords, mais au final je me laisse guider. Je veux des nouveaux ennemis, les anciens commencent à me kiffer. J'ai trop de textes, trop okay. Des fois je me demande comment je fais. On a qui rappe le même 16 pendant toute une année. Sortez vos flots, je vous défie. Vin KZ et de la partie. Je vis au-dessus des critiques, mais je vais pas la jouer gentil. Oh. Je sais du freestyle, je fais du taf comme un roumain. Je ne dis pas fuck les gays, ça voudrait dire j'en suis un. Et tous ces MC qui te bourdent à peine, qui se disent rebelles, font les fiers. Mes rap de la merde, juste pour les femelles. S'il vous plaît, j'aimerais passer l'ambiance de viande. Exécrable avec que tu saches pas poser, mais ce n'est pas excusable. Faut que tu saches que ça vient de Goussainville, pas du Pas-de-Calais. Je trouve ça laid. Les histoires d'amour quand il n'y a pas de calais. Coup de balai pour ces michetonneuses qui aiment. Prendre l'air, elle le sait que t'es un bon salaud, elle veut un bon salaire. Maintenant j'arrive et je découpe, toi tu coules et moi je décolle. Les rappeurs veulent soulever des coupes, c'est la nuit Jay qui s'y colle. La télé nous manipule car elle est complètement fêlée. La politique, je crois que même un rugbyman a le droit de s'en mêler. Ok, yeah, ok. Hako, kicker d'RGP, Dame Sazama. Ouais, Flamme d'Amand, direct les gars. NLN Screw, New Jay, c'est pour vous. Ok, ok. Hey, je veux plus rien savoir, je prendrai même où cette histoire du ping-pong. J'ai vécu une histoire d'amour qui pourrait rendre malheureux quiconque. J'ai jamais marché sous Roro, comme toi je ne roule pas sous l'or. Tu veux un conseil de malade, écris des textes à nuit quand je dors. Je baffe à la maman pour qu'elle écoute mon son. Et d'ailleurs si ça ne marche pas, c'est un coup je deviens formation. Mes refs répètent un câble, se font tourner le pétard, pétard. Ils se mettent à pétard, pétard. Et surtout à Veda qui confirme nous mettre à l'amende. J'attends toujours, ça met des sales plans. Parle pas trop des mecs de mon âge, les ai mis loin depuis un bout de temps. Ok, là je suis lancé, tu captes, ils sont pas prêts. Donc normal, je m'adapte, gardez vos plaies. Drape, j'ai pas seulement un peu de courage. Là je vous invite dans mon bac. Ma tête, c'est vrai que c'est peuplé gros. Donc pour ça, j'en veux un peu plus. Sélectionne des prods, gratter du matin au soir. Tu vois les bails pas gros, ma femme n'en peut plus. Ok, pas de classique, quelques okay, idées. C'est un kicker d'un GP, bande de PD. Pas de panique, on les nique. C'est à la cycle. Ok, dance, écoute. Ok. Dems Ladama, Goussainville, sa mère. Goussainville, GG, chargeons ma dame, t'y arrive. Ok. C'est pas un chronron, Bachir, Yassir. Ah la dame, cousin. DJ, LNN Screw. Tiens, ça y est, je suis lancé. Négro, je vais tous les froisser. Calmer les gamins du peur à qui pensaient tous être éclatés. Y'a des têtes à couper et du matos à découper. Quelques coups à étrangler, des bras, des culs, des jambes. Skyrock, musique, on sait qui fait du gros son. Dans l'océan du rap, je m'auto-proclame gros poisson. Il fait le thug chez lui, chez nous il rentre sans ses pères. Me compare pas à eux, je passerai pas mon front pour ses pères. du niveau de la vague dans une classe de CP. De CP, route à OCP. Il presse la tête devant mes 4 mains. Coup de CP. L'objectif c'est signer. Sans écarter son âne, je préfère crever dans un putain de bras puisque vivra la reste. J'ai qui parle sur moi, j'ai qui écoute mes couplets. Mais devant la Zama, ils font les sourds et muets. Clash de titre, plus d'éclate comme ça, c'est clair et net. Claque ma qui aime le contact, je suis pas une petite pétale du net. Tu sais à quoi t'attends, si tu touches l'un des 4 mains. J'viserai là dans 3 mois, tu peux retourner ton barbade. Bande de petites salopes, ça sort le glotte et ça galope. Hommage, je donne, je rousse comme mettre plein en fumant sa clope. Petite pétale sexy, j'aime quand t'essayes tes tenues. J'te réserve pour la sortie, pour mes 4 mains détenues. Les nids arrivent en bas, ne savent pas qu'ils sont pas de taille. 4 mains, les armes, on les déballe en bas, le gros et le détail. Le mat au son, le canapé sera le champ de bataille. Encore la vente dans une pétale à qui on a sauté des bails. Yeah, ah, ça peut okay, continuer à faire longtemps. Bratso, my man, mon gars. On est là, sa mère. Wesh, Bach, tu m'entends quoi, Roro, Bachir, Yassine, Jimé, Bouné, Abdelma, Arco, tu m'entends quoi, gros? Si, c'est la famille. L'asso. Yeah, radical, tout le monde. Tous en ville, on est là. DJ, LNN. En direct pour Bratso. Ouais, on a des choses pour Arco. GG, Jojo, ma dance. Yeah. Neneuil, Darko, on est tous là, les gars. On a fait le tour un peu. Minis, mon gars. Carter. Voilà, voilà. Yeah. Bratso, my man, débrouille artiste, volume 2, toujours dispo. Voilà. Il y a une sacrée graine dans le 9-5, les gars. On est là, on est présent. Ah, bravo, bravo. Hein. Grosse session live à l'instant. Pas eu. 30 minutes de live avec Bratso. Yes. Rappelle aussi les gens qui étaient au micro avec toi, Bratso. Yes, yes, yes. Vinky Z, Hako, Dems, ils étaient présents. Tu vois, ils ont kické ça. Ouais. Merci à vous, les gars. Merci à vous, messieurs. Yes. Et merci à toi, Bratso, pour cette nocturne. Merci à toi, franchement. On va rappeler 2-3 choses, c'est que évidemment il y a le projet le Débrouillard Artiste volume 2. Si vous avez kiffé, vous pouvez cliquer dès maintenant, on le trouve. Hein. Maintenant. Il est sorti le 27 octobre, on peut le trouver. T'as des petites scènes à annoncer, des trucs ou pas encore. Ça bosse. Ouais. Ça bosse dur. Ouais, ça bosse. Et donc pour toi 2015, c'est quoi? Ça va être un album, ça va être franchement, moi je suis en train de faire plein de sons. Mmh. Mais après ça va sélectionner, tu vois, ça va bosser. Mais là je défends ce projet là, tu vois, ça fait que mais je sais qu'il y aura un truc en 10 fois plus lourd, plus de titres sûrement, plus de titres. Là, c'était 12 bastos. C'était, ouais. C'est pas mal déjà. Ouais, hein. Ça va, ça va. Ah ouais, c'est bien. Ouais, hein. Ouais. On peut y aller, ça, on peut aller complet. Cliquer. En vrai, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde, c'est assez complet. Il y a de tout. Il y a ça qui dure, ça parle, ça chante. On a mis sur les refrains, il y a tout. Eh ben, merci en tout cas à toi, Bratso. Yes, merci. DRA, TSO, retenez-le bien. Sky. On entendra parler de lui dans les mois à venir. On en commence déjà, on en entend pas mal parler. Yes. Et Débrouille Artiste, volume 2, c'est dans les bacs. Merci. Merci à toi. Ciao, c'est fini pour la nocturne 100% rap français. Prochain encart la semaine prochaine. À pas louper, et il y a Black M qui débarque lundi dans Planète Rap. Ciao! Skyrock, Rap et R&B non-stop. Yeah. Rap et R&B en premier.